Salut tout le monde, c'est Majo, bienvenue à la 112e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. C'est nul. Petite musique. Et bien bonsoir à tous, bienvenue à vous. Donc petit changement ce soir, ce n'est pas Sei qui host puisque ben, comme on dit, on fait appel au second couteau quand on a la flemme. Et vous connaissez les performances de Sei en termes de flemme, super. Hein, vous savez, VR canapé, tout ça. Bon, salut mon petit Sei, comment vas-tu? Bah ça va et toi Majo? Bah écoute, surpris, hein, j'étais pas prêt, on m'a dit « Oh, ce soir, je suis pas bien, je te laisse les clés, tu fais comme tu veux », je dis « Impeccable, c'est le moment parfait pour pourrir cette émission ». Moi qui veux faire plaisir aux auditeurs, tu sais, qui t'ont pas entendu depuis longtemps et qui se languissaient de toi et je voulais en même temps te mettre dans la lumière et c'est comme ça que tu me remercies, bah ça me fait bien plaisir en tout cas. Ouais, t'as vu, on change pas une équipe qui gagne comme on dit. Bon, en tout cas, ravi que tu sois là avec nous, on a aussi le boss, bonsoir boss, Lolo. Hello, comment va? Et en 60 FPS ce soir, on est ravis. C'est vrai? Putain, c'est vrai, j'ai une bonne connexion ce soir. Bouge pas trop quand même. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Tu fais illusion, bon. Voilà comment on dit. Je vais rester comme ça et je bouge plus. Voilà. Et puis ben, le petit dernier de l'équipe, alors El Rocco n'est pas là ce soir, donc du coup il a fallu un remplaçant. C'est la soirée équipe B. Hein. Du coup, la soirée des rubes. Voilà, animation équipe B, remplaçant, tout ce qu'il faut. Donc c'est Gantz, le dernier arrivé. Bonsoir Gantz, première émission avec toi d'ailleurs, pour ma ouais. part. Donc, bonsoir Mathieu. Enchanté. Ouais. Tu es très bon dans le rôle de Sei en tout cas. Ah merci, t'as vu, je parle beaucoup ouais. comme d'habitude. Ouais, je vois ça. Bon ça va, t'as pris tes marques bon, la deuxième fois, le fauteuil est marqué bien comme il faut. Oui ça va, bon. ils ont été gentils avec moi il y a 15 jours. Ouais, j'ai cru entendre ça. Ouais, et je pense que toi, tu le sauras pas. Okay. Bon, c'est pas vrai, t'es méchant. T'es méchant. Quelle réputation je vais avoir après. C'est moche. De salaud. Bon, du coup, après cette demi-heure beaucoup trop longue de préparation, on a un petit sujet, enfin, on a pas mal de sujets ce soir. On a préparé quelque chose. Voilà, on est chaud bouillant. Donc du coup, pas mal de petites choses se sont passées ces 15 derniers jours. Notamment, bah, vous nous avez vu, de toute façon, vous avez pu nous suivre. D'ailleurs, il va falloir faire l'instant promo et l'instant remerciement, puisque j'y pense. Donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc., etc. Le site VR4Player.fr, la chaîne YouTube VR4Player, la chaîne Short, qui est très très bien pour les jeux PSVR, beaucoup moins bien pour les jeux PSVR 2, et puis la chaîne secondaire, la chaîne RAC, voilà, où on balance toujours nos petites lubies du moment. On tient aussi particulièrement à remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, sur YouTube via le bouton merci, pardon. Et puis Crabber en force sur le bouton merci. Donc merci à lui infiniment. Et plus jamais tu me coupes la parole comme ça, Sei. Dernière fois. Excusez-moi, chef. Tu vois ce que ça fait. Merci Crabber, ouais c'est particulièrement désagréable. Surtout quand t'es bien lancé sur le truc, t'es... Compte sur moi. Et donc du coup merci beaucoup à Crabber en particulier parce que qui fait pas mal de boutons merci sur YouTube. Et puis le Discord, voilà, tous ceux qui sont avec nous au quotidien, hein, puisque on discute toute la journée de plein de choses. Donc le Discord de VR4Player, merci aussi à vous d'être là. C'est toujours sympa de parler sérieusement et de délirer tout au long de la journée. Sur ce, on va pouvoir attaquer cette émission. Lolo, donc c'est toi qui inaugure, comme d'habitude, avec les news. Qu'est-ce que tu as dans ta besace, mon petit Lolo? Alors, les news. Faut-il parler de Phil lourd. Spencer? Parce que je suppose que... Enfin, si vous n'avez pas entendu parler de ces histoires avec Xbox, je pense que vous sortez de... Je sais pas, vous avez une vie, ouais. Une vie sociale peut-être. Exactement. Ou vous jouez. Donc qu'est-ce qu'il faut dire Que faut-il dire de tout ça? Bah, qu'il y a pas mal de rumeurs qui sont sorties la semaine dernière pour dire que Xbox levait le pied un peu sur ses consoles, des rumeurs de ce genre-là. Donc tout le monde attendait une réaction bien sûr de Phil Spencer pour confirmer ou infirmer tout ça, et il a lancé un petit mot pour dire qu'ils allaient prendre la parole la semaine prochaine et dire que finalement la rumeur, si je peux remettre un petit peu le sujet dans le contexte, la rumeur vient surtout du fait que certaines exclusivités Xbox et Xbox Game Pass arriverait en fait sur d'autres plateformes, sur PS5. PlayStation et Switch, du coup. Voilà. Donc gros emballement du net. Starfield sur Switch. J'ai hâte. En streaming, ils ont sorti Resident Evil 7, je crois, sur Switch aussi, qui tourne uniquement en streaming et pas sur la console. Donc c'est pas impossible, surtout quand on sait surtout quand on connaît l'importance que le streaming et le cloud gaming ont pour Microsoft, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas énormément de difficultés de là-dessus. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que du coup, énormément de rumeurs, Internet s'est embrasé, et à la suite de ça, du coup, Phil Spencer a répondu tardivement, selon certains. Ouais, deux, trois jours plus tard, il a envoyé un petit tweet qui explique qu'on va prendre la parole pour expliquer tout ça. Mais ce qui a choqué surtout, c'est qu'il ne nie rien du tout. Voilà. Si ça avait été une grosse connerie, il aurait dit tout de suite ne croyez pas que tous les fake news qu'il y a sur le net ou des choses comme This ça. Is fake il ne news. Dément absolument rien. Ce qui fait dire que, depuis pas mal de temps, les gens disent il y a plein d'articles qui paraissent de partout, des vidéos, Xbox est terminé, PS5 tout seul sur le monopole sur le marché du jeu vidéo, ça part dans tous les sens, tout le monde dit à sa sauce. Et puis la semaine prochaine, il va prendre la parole et tout le monde va changer de ton, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils vont arrêter comme ça. Enfin, moi, ça, je n'y crois pas du tout. C'est pas possible d'avoir investi 75 milliards dans un seul studio et de tout lâcher comme ça. Donc pour moi, le truc, il est tout tracé. On le connaît depuis 2013, depuis la sortie de la One. Microsoft, ils veulent c'est avant tout une entreprise de soft. Et là, maintenant, ce qui les intéresse, c'est le Game Pass et le cloud gaming. Leur intérêt maintenant, c'est qu'il y ait le Game Pass sur un maximum de machines, de toutes les machines possibles. Et ils vont laisser certainement tomber ou lever le pied sur les consoles. Ils vont les maintenir un moment, le temps que ça se mette que tout ça se mette en place. Mais leur objectif, il est plus là du tout. Il est plus sur les consoles. Bah, de toute façon, effectivement, comme tu dis, ça fait un moment. Alors tu parles de la One, mais même beaucoup plus récemment, ils ont annoncé, et ça faisait un peu aussi partie de leur argumentaire de vente et leur justification pour le fait qu'ils vendaient pas de consoles, c'était le fait que ils concentraient tout sur le service, sur le Game Pass, que pour eux, on se souvient tous des déclarations, PlayStation n'est plus notre principal concurrent, aujourd'hui nous c'est Apple, c'est Amazon, c'est Google Stadia, donc ça restait quand même un axe primordial, pour eux. C'était super clair, même de la part de Sarah Bond, qui clairement disait que de toute façon, leur objectif maintenant, c'était de se comparer comparer le Game Pass à Netflix. Et elle avait bien précisé également de dire que Netflix, le problème de Netflix, c'est quand tu avais des abonnés, tu n'avais plus aucun moyen, après, mis à part d'encaisser l'abonnement, de faire de l'argent sur Netflix, alors qu'avec le Game Pass, il y avait moyen, une fois que l'abonnement était fait, de mettre des ventes en ligne, de la publicité, de mettre tout un tas de trucs, les fameux GAS, Game As Service. C'est pas facile à dire. Et de vendre... tout un tas de trucs et son objectif, elle non plus s'en est jamais cachée, elle l'a dit clairement plusieurs fois, donc on sait tous où le Game Pass va, et là j'ai l'impression que la communauté se réveille en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est fini, alors que c'était clair comme de l'eau de roche depuis le début. Après on tire un peu des plans sur la comète, mais c'est pas forcément Game Pass, ça peut aussi être des sorties de jeux édités Xbox, comme on a eu Minecraft sur PlayStation VR. Moi j'imagine bien Hellblade 2 sur PS5, hein. Je vois même pas comment est-ce qu'il pourrait ne pas sortir, sachant que le premier Hellblade était sorti exclusivement sur PS3 au départ. le jeu de Ninja Theory. PS4, ouais, c'est... Non, PS4, t'as raison. Et du coup, vu que le studio a été racheté par Microsoft, enfin, ça aurait pas de sens en fait qu'ils sortent pas sur PS5 ce jeu-là, Hellblade 2. Avec en plus les ronds qu'ils ont mis dans la production de ce jeu-là, qui est énorme. Il y a plusieurs possibilités, hein, mais comme je dis, voilà, on peut avoir aussi. Après, voilà, ils peuvent chercher à implanter le Game Pass où ils veulent. Où ils peuvent, pardon, sur l'écosystème Play et l'écosystème Switch. J'ai entendu dire que le Game Pass sur Quest 2 et 3, c'était complètement génial selon certains YouTubers. Alors oui, parce qu'il est aussi passé, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est en même temps que la sortie du Quest 3, alors je ne vais pas avancer, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, ça y est dessus, sur mais il a été mis en avant, comme quoi c'était possible de jouer au jeu du Game Pass là. Via le Quest sur un écran géant. Sur un écran géant, en mode cinéma et non pas en VR. Oui, tout à fait. Non, mais il faut le rappeler parce que c'est pas clair pour tout le monde, en fait. En mode cinéma, non VR, et pour juste... Pour l'anecdote, c'est ce qui se fait faire depuis avec le PSVR 2016 2, ouais. Sur le PSVR. Sur le PSVR 1, voilà. On pouvait le faire. On pouvait le faire avec le PSVR 1 en 2016, ouais, tout à fait. J'ai fait Uncharted 4 comme ça, d'ailleurs. Totalement. J'ai fait FF15 comme ça, sur PSVR. Et FF15 aussi, j'ai joué... alors, j'ai pas tout fait comme ça, mais non, j'ai pas joué pas mal de fois j'ai comme ça. J'ai jamais fait un jeu non VR avec le casque, c'est marrant. Bah, t'as jamais fait de jeu tout court, toi. Mais tu joues pas, toi, on sait, ouais, c'est du blanchiment d'argent que t'es en train de faire avec ce site. Les gens doivent savoir. T'as vu ce qui sort T'as vu ce qui sort? Non, mais je vais pas jouer à tous ces trucs. Hein. Laisse tomber, j'ai pas envie de me percer les yeux. Last of Us, et donc, Last of Us 2. Du coup, pourquoi on parle de ça? Parce que on se prend à rêver. Hein, moi, je ne vois qu'une chose, c'est Flight Simulator. Est-ce qu'on peut rêver? Alors, c'est pas un jeu Microsoft Studio, puisque c'est Asobo. C'est Asobo. Donc, ceux qui ont fait les A Plague Tale. Studio Bordelais. Exactement. Qui est sorti donc Flight Sim en VR jeu. Sur PC. Exactement. Donc, on peut se prendre à rêver d'une version PlayStation. Et qui va le financer, ça, madame? Hein? Qui va le financer, ça, madame? C'est déjà financé. Microsoft? C'est déjà financé, vu que non, la version VR est déjà... Non. La version VR, elle existe, mais qui c'est qui va faire le portage avec le dev kit PS5? Alors, juste, et en plus, je rajouterai un truc, c'est que Flight Sim en VR est extrêmement... Enfin, ça te bouffe ta config. Hein. Gourmand. Oui, mais attention, eye tracking. En plus. Non, mais pas obligatoire. Non, mais bon. Cahier des charges PSVR 2, toi-même tu sais. Possiblement activable, ouais. Et puis SSD, et puis texture, et puis voilà. Enfin, après, optimisation. Texture, voilà, texture, c'est justement, c'était des textures qui se téléchargeaient au fur et à mesure sur FlySim. Oui, t'avais une version, mais tu peux avoir la même version. En fait, t'as une version téléchargeable et t'as une version cloud. Qui te permet en fait de streamer les textures et d'avoir un peu plus de c'est vrai. De finesse dans tes textures, voilà. Et si t'es une mise à jour en plus des cartes. Et si t'es hors ligne, du coup, t'as un jeu qui est un peu moins propre. Mais enfin bon, ça sera toujours mieux, je pense que j'ai déjà oublié son nom, je ne m'en rappelle plus. Celui qui est sorti sur PC et qui vient de sortir Projet avec 6 missions Wingman. Sur Projet Wingman. Voilà, merci. Ah oui. Voilà, donc juste on se prend à rêver, et puis pourquoi pas un éventuel portage de Minecraft sur PSVR 2, puisque on a toujours pas de nouvelles de cette version. On a toujours pas de mise à jour qui corrige la version PSVR d'ailleurs. Et puis je vais te dire Minecraft qui sort maintenant, quand tu vas voir le Cube qui va sortir. Cube VR, oui, effectivement. Qui lui propose des shaders qui sont quand même autrement plus sexy que Minecraft VR. Si je peux me permettre, j'attends de voir quand même, parce que pour avoir et un moteur physique. Pour avoir vu passer pas mal de publications sur Twitter, en l'occurrence, c'est quand même un truc qui est très sponsorisé. Très très mise en avant, on n'a pas énormément de com dessus, ouais. Si ce n'est ça arrive, c'est exclusif, quelques petites punchlines de temps en temps. Ça sent le pétard, quoi, mouillé. Bah, je sais pas, mais en tout cas, déjà, il n'y a pas de mode, histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Bah, comme Minecraft, un jeu bac à sable. Comme Minecraft, hein. Non, ouais, mais je veux dire, il n'y a pas de survival non plus. Il n'y a pas de. Ah. C'est un bac à sable. Bac à sable. Tu vas construire, tu joues au Lego, en fait. C'était en même temps la façon de jouer à 75% des joueurs qui jouent à Minecraft. C'est alors par contre, les développeurs ont dit que leur objectif c'était de créer un mode survie. Et dans ce cas-là, il prendra un autre sens le jeu. Donc pour l'instant. Après Minecraft. Donc voilà, bah, écoute, Minecraft. C'était le moment. Donc c'est bien. Le moment. Tu as bien on rêvé. Attend la semaine prochaine. Et puis voilà, c'était le c'était l'instant. Alors pourquoi pas Hellblade 2 ? Pourquoi pas Hellblade 2 en VR, sachant que le premier était sorti sur PC en VR, officiellement sans mode. Et que ça fonctionnait du feu de Dieu, et bah pourquoi pas Hellblade 2 sur PSVR 2. Moi, c'est ça que je veux. Voilà. Hellblade 2. Parce que chien de prairie. Non, alors, non, pas alors, du tout. Moi, avec fou. Mon esprit. Non, pas du tout. Moi, avec mon esprit très cartésien, je vois que Microsoft vient de se rendre compte que le Game Pass n'avait pas fait les chiffres qu'ils estimaient. Et que du coup, ils se disent merde, on a quand même foutu 75 milliards dans Activision, on a foutu 7 ou 8 milliards dans, je crois que c'est 7 milliards dans merde, ceux qui ont fait Skyrim, je sais plus le nom, Bethesda. Et donc là maintenant, et ben ils se rendent compte que finalement, ils avaient dans leur calcul, ils avaient dit, ben c'est bon, le Game Pass va financer tout ça. Ils s'aperçoivent que ça ne se finance pas. D'ailleurs, Phil Spencer avait bien fait comprendre que le prochain Elder Scrolls serait uniquement sur Xbox. Apparemment, les choses sont en train de changer. On rabat les cartes. Et ben pour on rabat les cartes sur voilà exactement. Et ce qu'ils veulent maintenant, c'est ouvrir. Ouais, mais c'est il faut le rappeler que c'est une rumeur. C'est vraiment une rumeur. C'est une rumeur qui n'est pas démentie et pour laquelle on doit avoir des infos la semaine prochaine. Selon Phil Spencer. Voilà. Donc si tu pars de ce principe-là qu'ils vont sortir des jeux sur PS5, parce que bien sûr quand tu vois les ventes de la PS5, ils savent qu'il y a du pognon à se faire de ce côté-là. Et puis c'est pas que du pognon, c'est pas se faire du pognon, c'est surtout renflouer les 75 milliards, enfin les 90 milliards qu'ils ont claqués sur les studios. Il faut que l'argent rentre maintenant. Parce que les investisseurs à la fin de l'année ne vont pas les louper. Hein. Vous avez claqué 90 milliards et on n'a pas de retour sur investissement. Et ces 90 milliards, c'est de l'argent qui a été pris chez les investisseurs. Donc il en reste les investisseurs un peu. Il en reste un peu, mais le souci, c'est que il faut pas qu'ils soient en perte l'année suivante. Donc un trou de 90 milliards, même pour une boîte qui a 3000 milliards. En capital. C'est énorme. On parle de capital. Docteur d'enfer. Non, mais un capital, c'est de l'argent qui n'existe pas en fait. C'est volatile. C'est pas de l'argent qu'ils ont dans leur trésorerie. C'est vraiment les investisseurs qui leur prêtent cet argent-là. C'est des pauvres malheureux. Pour faire des dépenses. Non, mais c'est pas ça. Mais alors c'est pour ça que les jeux VR, j'y crois pas du tout, parce que ils savent très bien que c'est un marché qui est mort. Donc ils vont même pas claquer 100 balles. Pour tu dis les termes. Ça tire à balles réelles, quoi. Ah oui, pour moi, eux, c'est clair qu'ils vont jamais dépenser un centime pour porter. Non, je parlais pour le marché qui est mort. Non, mais. Spéculation, non, mais Microsoft, j'y crois pas. Que le marché est mort. Microsoft, on sait bien que le marché est mort pour eux depuis le début. Hein. De toute façon, ils ne l'ont jamais soutenu. Donc, non, bah si, ils ont fait quand même une expérience à l'OVR. Oui, à l'extérieur, sur borne d'arcade. Souviens-toi, où tu tirais sur des, sur des ennemis en carton, dans un décor moche. Oui, noir. Oui, mais ils ont un peu comme un peu comme Gun Club VR, mais avec une skin Halo, quoi. Beaucoup plus moche. beaucoup plus moche. Non, vraiment. Donc non, moi la VR, j'y crois pas. Moi, je suis convaincu que là, on est sur un tournant, et que là maintenant, ils vont enclencher la seconde. Et pendant que tout le monde est en train de dire Microsoft sont morts, ben en fait, ils préparent l'avenir. Et Microsoft, ça a toujours été une boîte qui réfléchit sur le long terme. Donc ils sont sur 10 ans. Donc les choix qu'ils font aujourd'hui, eh ben, ils pourront porter leurs fruits dans 5 ans, 6 ans, peut-être 10 ans. Et que eux, leur objectif maintenant, c'est de foutre le Game Pass de partout, sur tous les téléviseurs, sur tous les appareils connectés, sur tous les appareils qui ont un écran, y compris Vision les Quest, Pro. Y compris les casques VR. Derrière, s'ils donnent toutes leurs licences à PlayStation, ça va être aussi un argument pour leur taper dessus, en disant, vous voyez, nous, ils nous mettent même pas Uncharted et Horizon sur le Game Pass. Salaud. Ou des petits trucs comme ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'on va avoir ce genre forcer, de trucs. Pour forcer le concurrent à prendre leur voix, donc ils vont faire les gentils, ils vont dire nous on est sympa, on pense que tous nos jeux ils sont pour tous les joueurs. voilà. nous on est prêt à leur donner tous les jeux VR qui sont sur le Game Pass. L'autre, je le vois venir avec son cheval blanc, mais je le vois venir à des kilomètres. Il va balancer des phrases comme ça, puis après il va dire ah ben ouais voilà le dernier je sais pas quoi, le dernier The Last of Us, il est même pas sur le Game Pass alors que nous on a donné tous nos jeux. Et ça va être des coups comme ça, des coups de pute. Et l'objectif derrière, ce sera quoi? Ce sera Maintenant, l'objectif annoncé, c'est que le Game Pass soit de partout. Et s'ils peuvent, grâce à ça, négocier, on te balance quelques licences, mais en échange, tu nous fous le Game Pass chez PlayStation, c'est ce qu'ils veulent maintenant. Ils ont, wow. Il n'y a même plus de console en face. Ça serait quand même vachement... osé. Ah ouais, ça va être bizarre hein, quand même d'avoir le Game Pass sur PlayStation quand même. Bah, je sais pas si c'est très cavalier quoi. Bah, c'est-à-dire que, alors en fait, tout est possible à partir du moment où t'as un Ubisoft Plus, un EA Sport, je sais plus comment ça s'appelle, club, sur ta PS5 et ta Xbox. Bah, si jamais Xbox décide d'arrêter le hardware et de se concentrer uniquement sur l'édition, si PlayStation négocie que sur chaque téléchargement, que chaque lancement de jeu, que chaque y touche des royalties, je trouverais pas déconnant en fait justement que Microsoft maintenant se contente uniquement d'être éditeur de jeux vidéo et distributeur via une plateforme de distribution comme n'importe quelle plateforme de que ce soit de location ou alors d'achat comme Steam, Epic. Comme tu dis, Uplay Plus ou enfin Ubisoft Plus ou tout, enfin Origin. EA Play, ouais. Voilà. Je trouverais pas ça trop déconnant. Le seul truc qui me gêne en fait là-dedans, c'est que du coup PlayStation serait tout seul avec Nintendo sur le marché de la console hardware. Et là, ça serait extrêmement dangereux. On sait très bien, en tout cas historiquement, que dès que PlayStation en fait est trop leader sur le marché et sur le marché console, on parle uniquement de ça, hein, pas de télé, pas de n'importe quoi, ils commencent à faire vraiment de la merde. Nintendo, eux, ils restent voilà dans leurs souliers. Ils font du bien, du moins bien, ça on est complètement conscient. Mais en tout cas, ils restent quand même avec une philosophie très old school du jeu vidéo qui leur va bien finalement et en tout cas qui réussit. Le fait d'avoir uniquement PlayStation dans le, on va dire dans le hardware next-gen ou current-gen, vraiment des trucs qui envoient et qui peuvent rivaliser avec le PC, je trouve ça vachement dangereux. On parle de la PS6 là. Hein. On parle de la PS6, ouais. Parce que ça fait combien de temps en même temps que t'as des journalistes ou des influenceurs, enfin ou des gens qui étaient journalistes avant et qui sont influenceurs maintenant, qui te parlent justement de la mort du hardware dans le jeu vidéo et qui se disent, et qui pensaient même après la génération Xbox One et PlayStation 4, qui disaient. Enfin là, les enfants, on a quand même passé une étape. Il n'y a plus qu'une génération et après maintenant il n'y aura plus de hardware du tout. Donc effectivement, On a quand même passé une étape importante, c'est-à-dire que ça fait un ou deux ans que le démat a dépassé le physique. Non, mais d'accord, mais le cloud, ça fait 15 ans aussi en même temps qu'on nous le vend. L'époque de Gaikai, qui a été racheté par PlayStation, dire, et où ça fonctionnait déjà très bien à l'époque, mais ça n'a jamais pris, et ça ne prend pas encore. En 2014. On sent l'évolution, si tu veux, qui va plus vers le tout démat que vers ta boîte sous ta télé avec tes CD à l'intérieur. Quoi. Et le problème, c'est que ce tout démat est en train, lui aussi, de vriller vers le tout abonnement. Donc, où tu es censé t'affranchir de ton hardware, et comme l'a dit Laurent, et il y a encore même une étape supplémentaire qui arrive. Je reviens sur ce que je disais, où, comme dit Laurent, justement, ils veulent s'implanter dans les téléviseurs. Sans console. Ouais, mais pour l'instant c'est un partenariat avec Samsung, c'est pas non plus sur toutes les marques. Mais sur les bras Samsung, ça serait bien. ce que je veux dire, c'est Samsung, que là, tu vois, on en parlait l'autre jour, mais c'est-à-dire qu'avec des périphériques comme le Vision Pro et le Quest 3, qui si jamais, parce que bon, on en parlera un peu plus tard, mais si jamais perce, si tu veux, ben en fait le téléviseur lui-même sera menacé, donc ça sera encore, enfin serait susceptible d'être menacé, donc ça sera encore un nouveau modèle de consommation qui sera différent. Enfin bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui on a passé des caps qui sont quand même très importants au niveau du physique, et on a même des grandes enseignes de grande distribution qui suppriment des rayons complets, alors pas en France encore. Aussi, si tu vas à ta Superette ou t'es Leclerc ou t'es Carrefour ou t'es Auchan, t'as plus de, enfin tous les rayons en fait jeux vidéo maintenant c'est des cartes. Non, enfin pas encore, mais t'as quand même l'enseigne Walmart. C'est Tesco, pardon, en Grande-Bretagne, qui a annoncé supprimer tous les rayons jeux vidéo de ses franchises. Donc c'est quand même du jamais vu à ce niveau-là, avec cette ampleur-là. On a, je trouve, passé un cap, et comme tu dis, les rayons jeux vidéo dans les grandes surfaces françaises, par contre, ça me nuise. Et il y a énormément de grandes surfaces qui ne vendent plus de jeux Xbox. Pourquoi ? Parce que ça se vend plus. Il y a énormément de soldes justement sur ce genre de truc pour évacuer les stocks en disant on n'en aura plus quoi. Mais ça c'est pas du fait uniquement de Xbox hein, parce que dès lors que pas du tout c'est pas ce que je suis en train de te dire ce que je veux dire c'est que l'évolution va vers ça mais c'est vu qu'on commençait justement la discussion avec le Game Pass justement je tiens à préciser que c'est pas du fait de Xbox parce que dès lors que PlayStation a sorti une console dématérialisée totale à 100 balles de moins et ben voilà du coup enfin ça vient un petit peu aussi de PlayStation et de la politique de PlayStation. Ça vient aussi et en connivence avec Xbox. On parle du marché en lui-même. Mmh. Le marché en lui-même évolue. Parce que tu dis, ça fait des années qu'on nous en parle, ça n'a pas percé, machin. Mais il y a quand même aujourd'hui des faits. Le cloud. Le cloud gaming. Oui, mais pour que le cloud fonctionne, il faut que le démat fonctionne bien, si tu veux, pour amener les gens à ne plus le acheter démat, physique. Le démat, où tu achètes ton jeu sur une plateforme spécifique, c'est pas la même chose qu'un abonnement à un Game Pass, et pas la même chose qu'un abonnement, une espèce de truc hybride à la Stadia qui n'a pas marché. Mais c'est une marche. Ce sont des marches, et tu ne peux pas passer l'un sans l'autre. C'est des tests. C'est des exactement. Tests. Mais c'est des étapes qui sont en train d'être franchies. Et là, pour moi, on est en train d'en franchir une qui est énorme. C'est l'abolition du physique. Stadia, c'était un test. Non, Stadia, c'était une erreur. Stadia, c'est une erreur de Google. C'est une erreur de Google parce qu'ils n'ont pas compris qu'entre les deux marches, il y en avait une autre et ils ont voulu sauter deux marches d'un coup. Il suffisait de changer l'offre. C'est pas bon. Je vois pas de tout arrêter. Il suffisait juste de changer l'offre, c'est tout. Non, ils n'avaient pas de machine. Soit de se transformer en quelque chose de... Microsoft, ils n'avaient pas de machine. Si justement je pense qu'ils avaient besoin d'une machine parce que comme je vous disais tout à l'heure Microsoft c'est des long-termistes donc ils voient à long terme quand ils prennent une décision c'est pour dans 10 ans en 2013 quand ils ont commencé à balancer la One en disant que ce serait une console connectée c'était il y a 10 ans et ils ont dit et là à ce moment là tout le monde leur a chié sur la gueule en disant c'est quoi cette One de merde il faut être connecté, mes parents sont divorcés quand je vais chez ma mère elle a pas internet je pourrais plus jouer à mes jeux c'était parti en live, ils sont revenus en arrière mais ils ont commencé à tâter le terrain à ce moment là 10 ans plus tard, le démat on voit ce que c'est aujourd'hui, plus personne va gueuler parce qu'une console doit être connectée pour jouer donc en 10 ans ils y sont arrivés ils ont passé cette marche, la marche suivante c'est même pas le cloud c'est encore la marche suivante et c'est celle-là qui manquait à Stadia. Ils ont voulu directement attaquer le cloud gaming alors que tout le monde n'a pas même les gens fibrés, il y en a qui n'ont pas des super connexions avec la fibre et du coup ça s'est cassé la gueule parce que ça saccadait, parce qu'il y avait de la latence et un système économique complètement foireux et bancal aussi hein. Ouais, je pense que c'est surtout Microsoft, ça parce que Microsoft là où ils ont été parfaits c'est qu'entre les deux, ils t'ont calé le Game Pass avec un téléchargement sur le disque dur des machines, et les machines, ils les avaient, comme Sony, mais pas Google n'avait pas sa console, malheureusement. Et du coup, là, c'est la deuxième transition. D'abord, on passe au numérique, maintenant, on passe à l'abonnement, et la troisième étape, ce sera, on passe au cloud gaming, on vire toutes les machines. Et c'est pour ça que je dis que, là, à mon avis, la semaine prochaine, Phil Spencer, qui veut foutre son Game Pass sur tous les supports possibles, non seulement il va être sur Samsung, quand je parlais de Samsung, des télés Samsung, leur part de marché des téléviseurs Samsung est de 48,6% sur le marché des téléviseurs mondiaux. Sur des télés de 75 à 80 pouces, ils ont 42,9% de part de marché. Donc autant dire que quand t'as Samsung, t'as déjà la moitié des téléviseurs dans le monde. Derrière, on sait qu'il va certainement arriver sur l'Apple Vision, le Game Pass. On sait qu'il va arriver et l'objectif de Phil Spencer maintenant, c'est de multiplier les machines en signant des partenariats avec différentes, je pense à LG, mais je pense aussi à des constructeurs, on a vu ça sur les Cast Quest, Lenovo, Asus, Acer, Samsung pour des casques VR Asus. Ou pour des appareils Asus. Connectés. Ou, Arthur. Asus. Et du coup, lui, ce qu'il veut maintenant, c'est plus vendre de Xbox, c'est signer un contrat avec, mettons, je sais pas, Lenovo. Vous me faites une console, moi, je suis d'accord, vous me faites une console, je vous colle le logo Xbox dessus, et cette console, les gens pourront jouer au Game Pass dessus. C'est ce qu'il veut, lui, en fait. Et au final, Lenovo, ça va être le même type de partenariat qu'avec les Windows Mixed Reality. Donc ça va être des partenaires qui vont avoir l'autorisation d'installer le Game Pass dessus, ils vont ouvrir le marché comme ça, ils vont noyer le poisson parce qu'il va y avoir peut-être 10 machines à 200 balles qui vont arriver sur le marché, qui seront beaucoup moins chères que Sony. Et du coup, la PS5, et ben, quand t'as des parents qui doivent acheter une console pour Noël, ils vont se dire laquelle je prends, ouais, parce qu'avant j'avais, avant, j'en avais 3, maintenant j'en ai 5 ou 6. Là, tu vois, je pense que tu te fourvoies, et on en a déjà parlé en interne de ça. Je pense pas. Il y a un truc que t'oublies, c'est la puissance de la marque. Et comme il y a 20 ans de ça, on te disait, ouais, tu joues à ta Nintendo. Aujourd'hui, tu parles console de jeu, c'est ça change bon, c'est très vite. Hein. C'est encore ta Nintendo. Alors, ouais, mais faut pas. Ça change très vite et sous-estimer la puissance d'une marque. T'as vu Oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait. Je dis pas qu'ils sont. Je dis. Qu'il y aura le logo Xbox dessus. Mais je dis pas qu'ils sont pas en danger, si tu veux. Je dis juste que dans tous les cas, pendant très longtemps, et ça sera à la concurrence de faire, enfin à PlayStation en l'occurrence. Et à Nintendo de faire leur taf, mais pendant très longtemps, si tu veux, cette image elle reste. Et aujourd'hui, je te dis, tu parles à des vieux qui ont 60 ans, 70 ans, ils te parlent Nintendo, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on te parle console de jeu pour des gens de la quarantaine, c'est PlayStation, c'est Xbox, c'est Nintendo, tu vois. Mais, mais si demain. C'est des marques qui restent ancrées, donc ça va encore durer et ça peut durer pendant des générations, mais ça sera. À eux de faire leur taf, c'est aussi le principe de la mise en concurrence. Et mais ça rejoint demain, ce que disait Sei si demain, tout à l'heure. Si demain t'as des fanboys. Attends, ça rejoint ce que disait Sei tout à l'heure quand il disait attention parce que PlayStation quand ils sont tout seuls, ils ont un peu tendance à s'écarter du droit chemin et à faire un petit peu n'importe quoi. Donc, mais je suis d'accord, ils auraient tendance à augmenter les prix et à mon avis, c'est pas que les ça. Augmenter parce que en face il va y avoir en face il va y quand avoir. Quand t'es pas challengé, tu te surpasses moins donc. C'est toujours pareil. Surtout, quoi, tu deviens orgueilleux et tu commences à faire vraiment de la merde, quoi. Moi, je. Alors, je oui, mais justement, je voudrais... c'est là où ça a plus de sens messieurs, aujourd'hui. Je voudrais quand même que vous n'oubliez pas, on a un quatrième invité, enfin un troisième invité, parce que juste du coup. Ça va, Gantz? Ah, salut, Gantz. Je suis. Alors, là. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces spéculations? Est-ce que tu as des attentes et des rêves sur ce sujet en particulier? Ouais, je m'en bats les couilles. Ouais, moi ce que je me dis surtout, c'est que bon, je pense que Laurent, effectivement, a pas tort sur la vision. Ah, je l'aime beaucoup, Gantz. C'est franc. Tu l'aimes pas, mais. Oui, mais attends. Laisse-le parler. Laissez parler cet homme. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce que derrière PlayStation va suivre ce mouvement? Parce qu'en fait, ils peuvent très bien continuer sur du hardware. Sans forcément se préoccuper d'Xbox qui s'en va comme sur le Nintendo. Cloud. Moi, je pense exactement. Je pense qu'ils peuvent devenir le nouveau Nintendo en fait. C'était vraiment rester sur une philosophie très japonaise et très ancrée dans le traditionnel. Et PlayStation japonais. Oui, en tout cas, ça. Ah, ils peuvent revenir aux sources et y retourner, ouais. Et ce qui faisait vraiment leur force. Hein. Bah pardon, excuse-moi quand tu. Oui. Non, parce que voilà, c'est aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de gamers qui sont attachés déjà au physique, bon, qui malheureusement vont mourir. N'ont pas trop le choix. Dans pas longtemps, je pense. Partir au digital. Après, partir sur l'abonnement, on l'a vu, on le voit avec tout ce qui est téléphone, où c'est parti sur le système d'abonnement, mais des gens comme moi, finalement, voilà, je ne prends pas en abonnement, je préfère acheter et posséder quelque chose plutôt que de payer tous les mois. Pareil sur la mode Netflix. Moi, je suis pas convaincu que ce soit un système qui dans le temps va perdurer. En sachant que l'achat depuis n'a pas beaucoup depuis, de recul. Depuis la génération Xbox 360 et PS3, c'est plus qu'une illusion hein, parce que finalement, t'as beau avoir ton DVD, ta boîte, ta jolie jaquette, etc. Tu le fous sur une PS3 vanilla sans patch, t'as des jeux qui ne tournent pas, qui sont cassés, parce que les jeux doivent être patchés en fait avec le patch Day One dès lors qu'en fait que le service soit que ce soit Sony ou Xbox ne fonctionne plus sur un certain hardware, ton jeu, t'as beau l'avoir en boîte, il ne te sert à rien. Donc la possession en fait de ton jeu même physique en fait est très relative maintenant. Enfin depuis longtemps, depuis 2007, hein, tout comme t'as des jeux Nintendo, t'achètes la boîte, à l'intérieur t'as un code. Depuis 2007, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le physique c'est bien, le physique ça fait longtemps, et je pense que c'est depuis l'abandon des cartouches, et de l'époque très très très ancienne où les jeux étaient terminés quand ils sortaient. Où ils avaient pas. Bah non, c'est depuis que les consoles sont connectées à Internet. Exactement, hein. C'est ça. Donc depuis les cartouches, quoi. Ou même la PlayStation 1, quoi. La PS1. Bah la 2. Ouais, ou PS2, oui, tout à fait. Il n'y a que la 3 qui a commencé, et encore la 3, les patchs de jeu, c'était très rare, puisque c'est quand même arrivé un peu plus tard. Le PSN, les noirs, et tout, les noirs, si t'as la boîte, hein, t'as une jolie boîte, hein, les noirs, mais tu peux pas l'utiliser. Ouais, elle est noire, il est pas Day One. Ah si, c'était un patch Day One. Non, mais je veux dire, le jeu n'est pas début de génération PlayStation 3. Oui, mais je te parlais pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est arrivé au fur et à mesure, si tu veux. Au début, tu as eu la connexion Internet est arrivée avec la génération Xbox et PS2, enfin, même la Dreamcast, du coup, qui avait essayé. Et puis après, donc, ça s'est performé sur la génération suivante. On a commencé à avoir les patchs, les mises à jour de jeux, ainsi que les jeux en démat. Et ensuite, sur la génération d'après, tous les jeux étaient patchables Day One. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est toujours crescendo, mais ça vient jamais au début d'une génération, ouais, en fait. Sûr. C'est que ça évolue au courant de la génération. Donc, c'est quand même... Enfin, ça reste encore quelque chose de très tardif, mais par contre, dans lequel on est complètement en ce moment, avec tous les jeux qui sortent finis avec le cul. T'as pas un jeu qui est pas patché Day One, et comme tu dis, il y a de plus en plus de jeux qui aujourd'hui, et notamment sur Xbox d'ailleurs, un peu moins sur les autres. Mais voilà, où t'es obligé de les télécharger. Mais tu vois, on peut prendre l'exemple d'un jeu comme qui va sortir bientôt, qui est le FF7 Remake Partie 2, là, Rebirth, qui prend 2 Blu-ray. Ou pareil, Red Dead Redemption, qui prend lui aussi 2 Blu-ray, si tu veux. T'es obligé d'en mettre un pour lancer la première install, et le deuxième pour continuer, et tu ne joues qu'avec le deuxième. Enfin bon, donc c'est aussi pour pallier à ce genre de problème, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 2 CD, d'avoir la partie contraignante effectivement d'une installation, ou parce qu'on a aussi des hardware qui ont des capacités de stockage qui sont quand même assez limitées aujourd'hui pour leurs éditions traditionnelles, si tu veux, c'est aussi pour gérer ce genre de problème. Si je t'ennuie, tu le dis, hein, ça n'hésite pas surtout. Du coup, vas-y, je t'en prie. Du coup, Gantz, est-ce que tu avais d'autres trucs à dire sur ce sujet avant qu'on passe au sujet suivant, parce qu'on a déjà fait, on a bien fait 40 minutes sur le sujet. Est-ce que tu avais d'autres choses juste à dire? Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a physique, digital, mais ça reste. Tu as envie de faire un achat pour un jeu, tu l'achètes. J'avais juste contrairement au cloud gaming, c'est quoi ? Excuse-moi. Non, c'est Red Dead 2 sur Xbox One. Je me souvenais plus que c'était sur 2 DVD. Tu m'as rappelé un truc là, effectivement. C'était juste pour vérifier ça. Les doigts sur les disques. Merci, Sei. Du coup, tu disais Gantz, pardon. Non, mais aucun respect pour les nouveaux. Je vois ça. Tu achètes ton jeu, donc tu choisis. Oui, voilà, c'est quand tu es sur un abonnement, tu choisis, tu dis, voilà, ce mois-ci, je vais acheter un jeu, machin, alors que l'abonnement, voilà, tu payes tous les mois. Alors certes, tu as accès à beaucoup de jeux. Mais ça, c'est bien pour les gros gamers. Même plus, par contre, même plus je lui parle. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que le système abonnement ne va pas satisfaire tout le monde. Non, de toute façon, on le voit. Enfin, et c'est surtout parce qu'il est là aussi le principal problème, c'est que on oublie cette multitude d'abonnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il te faut un abonnement pour regarder les films. Il te faut un abonnement pour regarder tes séries, mais sauf que la série que tu veux regarder, elle n'est pas sur ce formulaire d'abonnement, elle est sur donc un autre. Tu prends l'autre. Et on connaît aussi le principe de la flemme, comme on disait, où il faut te désabonner tous les mois ou arrêter ton abonnement pour te réabonner chez l'autre. C'est, on va dire, c'est relativement contraignant, et je trouve quand même que ça l'est plus en termes de logistique que de prendre un jeu, de le mettre dans ta console, à condition qu'il soit multiplateforme. Mais on va aussi me dire que ça ne solutionne pas le problème de l'exclusivité, puisque finalement c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si tu veux jouer à ta série de Halo ou si tu veux jouer à ta série de Forza, il te faut une Xbox. Si tu veux jouer à la série Gran Turismo ou à la série des Horizons ou d'Uncharted, il te faut une PlayStation. Si tu veux jouer à Mario, il te faut une Switch. Donc finalement, l'un dans l'autre, on peut aussi dire que c'est un petit peu la même chose. Si tu veux vraiment jouer à tout, finalement, tu es quand même aussi obligé d'avoir la console du concurrent. Enfin, là où les consoles des concurrents. Alors, est-ce qu'il est plus avantageux d'avoir tous les hardware, ou est-ce qu'il vaut mieux s'abonner à plusieurs services? Qu'est-ce qui est le plus intéressant financièrement? Comme qui est Disney plus, plus comme Netflix, comme Amazon Prime, comme tous ces trucs-là, j'ai l'impression vraiment. Exactement. J'ai vraiment l'impression. Enfin, moi, j'ai toujours. Mais après, n'est pas représentatif, on le répète encore, on est des vieux joueurs en fait. Ah, on se pose des questions. On est des vieux joueurs, on a une vision de vieux joueurs du jeu vidéo qui ont commencé justement avec des cartouches, qui ont continué avec des CD, avec des disquettes, qui ont connu les jeux qui n'étaient pas patchés Day One et qui ont encore un petit peu le... qui connaissent un petit peu la valeur du physique. C'est un discours de vieux con. Ils ont connu les jeux qui étaient finis. C'est un discours de vieux con, on est complètement d'accord, mais j'ai toujours acheté une console pour les jeux, pour les exclusivités. Je suis vraiment attaché au PC parce que justement c'est un melting pot en fait de plein de choses. C'est un petit peu les versions étalons de certains jeux et que tu peux retrouver sur ordinateur. Et les PlayStation, à chaque fois que je les ai achetés, c'était toujours pour avoir des exclusivités PlayStation. Que ce soit les Resident à l'époque, que ce soit les Last of Us, les Uncharted, les God of War, oui. Les trucs comme ça. Et l'erreur, et l'erreur justement de Xbox et ce qui dessert justement la marque, c'est le fait que ce soit aussi disponible sur PC et que je pense que pour eux, comme PlayStation, en tout cas, pour plus tard, et c'est exactement ce que je vais dire après, c'est ce qui va desservir justement à court terme la marque Xbox. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec PlayStation, avec les exclus, non pas Day One, t'as pas encore God of War 2, à mon avis, il va pas trop tarder sur PC. Mais ils avaient dit 1 à 2 ans après les sorties. Les joueurs sont de plus ans. En plus patients. Oh, 3 ans, pardon. Surtout quand tu vois des jeux comme God of War 2 qui m'ont encore la trique, il y a quand même pas mal de production. Moyenne jeu vidéo en ce moment en plat. Pour moi justement cette perte et cette espèce de dilution des exclusivités, c'est pas forcément les trucs qui se vendent le mieux en plus hein, sur PlayStation. C'est fait des années qu'on se dit que les exclus c'est pas ce qui se vend le plus hein, c'est du FIFA, enfin anciennement FIFA, oui. Du Call of, des trucs comme ça. C'est très très bien, c'est ce qui rapporte de la maille on va dire, mais c'est pas des exclusivités créatives, tu vois. Oui, mais c'est ces exclusivités qui font vendre la machine, par contre. Oui, en plus, oui. Ou oui, l'abonnement. Au casu, quoi. Moi, je te dis, on a une vision un petit peu biaisée. Et c'est pour ça que même si on a des envies et même si on a une certaine vision du jeu vidéo un petit peu traditionnaliste, eh ben, malheureusement, en fait, on n'est pas représentatif. Et j'ai peur, justement, que cette dilution... Je sais pas si on n'est pas représentatif, parce que la moyenne d'âge en France d'un joueur de jeux vidéo, c'est 40 ans, quand même. Oui, mais c'est pas une question de moyenne d'âge, c'est une question aussi de passif. Si, parce que si la moyenne d'âge est de 40 ans, ça veut pas dire qu'il y a des gens de 40 ans qui jouent pas que... Non, ça veut dire une seule chose, Laurent, c'est le mobile. Hein. C'est le smartphone. Le mobile. C'est jeux vidéo console. Jeux vidéo console, c'est 39 ans. C'est 39 ans. Non, je crois que c'est pas que console. Hein. Non, c'est jeux vidéo. Si tu mets les mobiles au milieu, ça noie tout. Et ça n'a plus de sens. Mais on a bien spéculé. Non, je voulais mettre un terme à ce sujet parce que sinon on en a pour 3 heures. On a bien spéculé. Ce que je voulais rajouter, Majo, c'est que. Moi aussi, je voulais rajouter un truc. Du coup, on a bien rêvé. Comment on fait pour muter dans le, ce truc le jeune de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Non, t'as dit. Qui joue à la console aujourd'hui. C'est ça, justement, je voulais. Il va jouer à Minecraft, il va jouer à FIFA, il va jouer à Call of, il va jouer à Overwatch. Eh ben, il va jouer qu'un seul jeu, il sera content pendant un an. Alors que nous merci, on a tendance à acheter 5 ou 6 jeux par an. Merci beaucoup, merci. C'est agaçant. Mais un Game Pass, ça va pas les intéresser. Voilà. Ça. Bon, je voulais juste. On va terminer ce sujet et clore ce débat parce qu'on a beaucoup de choses à traiter et notamment la liste des jeux qui arrivent en ce mois de février qui est absolument incroyable. Restez bien assis parce que vous n'allez pas en revenir du coup. Mais je voulais juste dire qu'il me tarde de couvrir les Xbox Game Showcase pour voir les sorties VR sur PSVR 2 prochainement. Voilà. Rêve. Du coup... Du coup, on continue dans les news, Lolo. Alors on a eu et on va avoir... Allez, on est parti pour une nouvelle heure. Ah non. Quelques sorties ce mois-ci. Donc on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Quelques-unes qui sont attendues, une qui est retardée. On va parler de la retardée très rapidement puisque c'est Mixture qui devait sortir en ce début de mois de février, qui est décalé à début mars. Et Say, tu l'as testé, si je dis pas de bêtises. Je l'ai commencé, je l'ai vraiment effleuré. Oui, testé dans le sens où tu as mis tes grosses paluches sur la manette et astiqué le joystick pour faire avancer le personnage. Je parlais pas d'un test complet, bien entendu. Tu illustres tellement bien les choses, Majo. Tu as vu. C'est magnifique. Effectivement, donc j'ai pu tester grâce à l'éditeur ou au développeur, je sais plus, Laurent, qui nous a envoyé la oui. clé sur la bêta test de sur Steam. Perbs Games. Envoyé, Donc le distributeur. Donc merci à eux. Et, merci à eux d'ailleurs. Et effectivement, alors je sais pas si je vais pouvoir rajouter des merci beaucoup. Captures, des captures sur, sur la vidéo, mais la version vidéo du podcast. Mais ouais, ça me. Ouais, c'est. Comment dire c'est une sorte. Est-ce que c'est mieux que VenVR? Je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Ah. Alors c'est déjà pas bon signe parce que quand on sait à quel point tu n'as pas aimé Ven. Moi aussi je l'ai bien aimé. C'est lui qui m'a pas aimé, qui m'a pas respecté, qui m'a craché à la bouche. C'est pas pareil. Apparemment ça a changé. Hein, mais oui. Apparemment il est plus facile maintenant. Mais voilà pour non, eux. Non, c'est, pour... c'est juste que le deuxième testeur était meilleur que le premier, c'est tout. on va le virer. On va pas le garder. Il fallait que je la passe. Non, on le vire pas. Il est là. Il est d'accord avec moi. Ouais, merde, faillot. Donc, mixture, en fait, voilà, ça m'a fait penser directement en fait, à Moss, parce que on incarne une espèce d'entité supérieure, en fait, par rapport à un petit personnage qu'on va pouvoir diriger qui est en face de nous, avec un système de combat aussi, comme Moss, et avec des graphismes un petit peu bien plus légers que Moss. Ah, en tout cas, au niveau voilà, de la direction. Alors, quelle version ? La version autonome ou Moi, j'ai la version. Plus léger que la version. Non, quand tu parles de graphisme plus léger que Moss, tu parles de la version autonome. Même ou la autonome. Version, c'est vraiment la charte graphique. Et c'est, je crois que c'est la même de partout. Et c'est la direction artistique, voilà. Et je pense que ça sera la même de partout, que ce soit sur autonome ou que ce soit sur. Oh, c'est bien dit, ça. Direction artistique, c'est beau comme mot. Bah oui, parce que. Non, je n'appelle pas ça comme ça, mais bon. Parce que c'est comme ça. Non, direction artistique, parce que quand même, il y en a une. Donc voilà, de ce que j'ai essayé, en tout cas, c'était vraiment très très succinct, et ça, je tiens vraiment à le rappeler. Je suis pas allé très très loin, et j'ai commencé à. Enfin, je suis arrivé jusqu'à ce que le décor s'ouvre un petit peu plus. Donc je continuerai un petit peu l'expérience pour pouvoir en parler un petit peu plus précisément. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, ça m'a l'air un petit peu léger. Graphiquement, ça m'a l'air un petit peu léger au niveau du gameplay aussi. Par contre, il y a de l'idée. Je pense qu'il y a un scénario qui est quand même très poussé. De ce que j'ai cru comprendre, un tout petit peu trop pour son bien. Genre de scénario qui semble un petit peu trop complexe pour pas grand chose. Surtout qu'il t'envoie quand même beaucoup d'informations dès le départ, alors que tu viens juste de découvrir et de d'arriver. Dans l'univers, par exemple, contrairement à Moss, où justement le personnage qu'on incarne, l'espèce d'entité supérieure, est complètement vierge de tout de toute connaissance, celui qu'on incarne dans Mixture a déjà un ils t'ont bien cerné, hein. A déjà un caractère. Il a déjà un caractère, il a déjà des, enfin voilà, une personnalité un petit peu soit agressive, soit passive. Donc c'est un tout petit peu différent. Par contre, mention spéciale sur le chara-design que j'aime beaucoup. Les armures et les personnages, je les trouve extrêmement classe. Vraiment, il y a vraiment un gros boulot dessus. En tout cas, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment sur Mixture, donc qui est repoussé à mars. Exactement. A priori. Et donc, ça sera pour normalement aux alentours des 30 euros. Voilà, donc ça c'était le report. Après, on a eu qui vient de sortir. Hier, ou alors par rapport à quand on enregistre, donc le 7, 6, 7 ou 8 février, donc c'est Dead Hook, le gros hommage à Doom. Voilà. Donc hommage ou pompage. Plagiat. À vous de choisir. Reprise d'asset, en tout cas, ça c'est clair et net. À vous de choisir, ouais, et puis tout dans l'idée. Hein. Enfin, le gameplay, c'est vraiment même et pas que les assets, même la police d'écriture, la mise en forme du titre et tout. On est quand même sur quelque chose de très similaire. Donc c'est un roguelite, voilà, c'est l'esprit c'est Doom, c'est du shooter. Donc ça, c'est pareil, ça va viendre, ça va, comme on dit, ça va venir. On en reparlera un peu plus tard, mais ça fait partie des sorties du mois. Il y a un test a priori en préparation, sans en dévoiler plus. Voilà, ça devrait venir. Voilà. Ça va venir. La grosse sortie du mois, c'est Train Chase. On a déjà parlé de celui-là, non ? Je sais que beaucoup l'attendent, oui, mais ça sort ce mois-ci, donc voilà, une hérésie, hein, ce jeu, on se demande pourquoi. Ça, tu peux couper au montage, le test de Gantz bientôt. Pour l'introniser. Du coup, on a aussi, pour rester dans les jeux qualitatifs, BorderBots. N'oublions pas ce jeu où vous incarnez un douanier, voilà, un douanier qui fait un peu un Men in Black en fait, voilà, qui fait la chasse aux extraterrestres migrants, voilà. Un jeu pour El Rocco, douanier. Oui, pour le coup. Et du coup, Survivor Man aussi, qui lui vient de sortir, c'est beaucoup de jeux du début de mois. Là, plutôt un jeu de survie, alors assez simpliste quand même. Sur pas mal de points, mais bon, on n'a pas testé non plus, donc on va pas trop s'avancer là-dessus. Si vous aimez la montagne, si vous aimez les crashs en hélico, si vous aimez les ours polaires, vous dépassez les ours polaires mal animés, les ours polaires tout moches qui ressemblent à des pluches qui sont fait rouler dessus par un caïd. C'est ça, 4 fois. Donc, pour être très honnête, voilà, je sais pas si on en parlera, je sais pas si l'un d'entre nous est très chaud pour. C'est pas le jeu où il y avait un comparatif qui était sorti justement entre la version autonome et la version oui. PC ou PSVR2 où c'était un espèce de bâton. Un bâton volant. Un bâton volant. Je connais pas cette discipline, c'est très. Ouais, non plus. Voilà. Ah oui, je vois ce que c'est. Oui, c'est quand tu déballes la falaise en genre de kayak en fait où tu dois. Non, c'est pas ça. Bah alors un kayak non, qui va non, sur la neige directement. Plutôt, ça ressemble. Non, mais tu glisses, tu fais comme du snow en fait et tu dois. Ah ouais, non, bon, bah c'est pas ça. C'est un paddle des neiges. Tu viens de t'écraser en hélicoptère sur un truc et de ton sac à dos tu sors un kayak. Ouais, à peu près gonflable. Et pourquoi pas, t'as jamais vu le temple maudit. Je pense qu'il vole. Bah voilà. Donc Survivor Man, Opération Serpent, donc qu'on peut qualifier de mince, comment il Désastre. S'appelle, Crazy Brigade like, un peu, voilà, en beaucoup plus, quoique, j'allais dire en beaucoup plus simpliste graphiquement, mais il n'était pas non plus très très élaboré. Donc un jeu de shoot, voilà, en point fixe. Et puis le plus attendu, je dirais de ce mois-ci, qui est Madison VR. Enfin. Et il y a de quoi dire. Alors c'est pareil, on n'a pas vu énormément de gameplay dessus. Il y a une vidéo qui est tombée très récemment qui fait bien flipper, où on est dans un espèce de parking avec des apparitions un peu partout, des plutôt jolis effets de lumière pour le coup. Voilà, donc celui-là, ça sera pas moi qui m'en occuperai, je vous le dis de suite. Je pense que ça sera pour El Rocco. Ouais, je pense que ça sera pour El Rocco, ça. Un jeu plat à la base qui est porté intégralement en VR, par contre. Exactement. Donc, voilà. On peut s'attendre. Il est pas vilain sur PS5. Et au cas où on l'ait pas suffisamment dit, c'est ça qu'il faut. Hein, voilà. Orientez-vous plutôt là-dessus que sur des jeux à gimmick comme Train Chase ou des trucs comme ça. Franchement, ça marchera beaucoup mieux et les retours seront bien meilleurs, je pense. Quelle que soit, on va dire, l'adaptation. Mais on a vu, même si on peut lire par-ci par-là que le succès de Resident Evil 4 VR est plutôt relatif comparé à son nombre de ventes global, ça reste quand même la meilleure option aujourd'hui, on va dire, en termes de portage et de qualité de jeu, même s'il y en a qui me diront le contraire, qu'il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais aujourd'hui, d'un point de vue rentabilité, c'est plus rentable de porter un jeu déjà existant qu'un jeu tout neuf qui ne fonctionnera pas parce qu'il n'est pas connu ou parce qu'il est monoplateforme. Voilà. Et puis le dernier, donc on en parlera un peu plus tard dans la soirée, c'est The Legendary Tale qui a été annoncé au State of Play de la semaine dernière, sur lequel on va revenir aussi un peu plus tard. Mais avant, news de première fraîcheur, Lolo, sur un petit éditeur français. Gros soutien de la VR quand même par le passé et encore aujourd'hui malgré tout, qui a un petit message à faire passer. Alors pour info, c'est tout frais dans le sens où ça fait partie de que je retrouve Mon document, voilà, ça fait partie du bilan. Voilà. Bilan des investisseurs, communiqué de presse, voilà, la conférence trimestrielle de du 8 février. Voilà, et donc une conférence téléphonique qui s'est déroulée ce soir, donc à 18h15 en anglais, dont on a récupéré quelques textes, et notamment un, et je te laisse la parole, mon petit Lolo. Donc c'est une citation de Yves Guillemot, le directeur d'Ubisoft, donc conseil des investisseurs. Et donc, alors c'est marrant parce que sa citation n'est pas présente dans le PDF bilan. D'ailleurs, il mentionne même pas la VR, hein, dans ce bilan-là. Par contre, sur la conférence téléphonique, donc il a annoncé « Nous avons été quelque peu déçus des performances d'Assassin's Creed Nexus. Les ventes sont OK et ça continue de se vendre, mais nous pensions que cela se vendrait davantage. » Par conséquent, nous n'augmenterons pas notre investissement dans la réalité virtuelle pour le moment, car ce marché doit encore progresser. Nous avons été très impressionnés par l'Apple Vision Pro et nous pensons que c'est un matériel fantastique. Nous continuons de considérer le secteur de la réalité virtuelle comme quelque chose que nous devons surveiller, mais nous n'investissons pas trop tant que ce marché n'aura pas suffisamment grandi. Donc c'est encourageant tout ça, non? J'ai envie de dire que ça fait. C'est encore un gros éditeur qui lâche le verre. Qui lâche à demi-mot, hein, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Il y a le côté politique. On n'abandonne jamais personne histoire de pas se faire lyncher. Mais bon, on peut pas non plus leur reprocher de jamais avoir rien fait, ni même essayé, pour le coup. Voilà. Et d'avoir en plus essuyé les plâtres. Et ils disent qu'ils n'augmenteront pas leur investissement. Ça tombe bien parce que sur PSVR2, je suis pas sûr qu'on ait eu un jeu Ubisoft. Donc s'ils augmentent pas, on n'en aura pas en fait. Non. Parce que sur PSVR, on en avait eu 6 ou 7 d'Ubisoft. Sur PSVR 2, je crois pas qu'on en ait. Parce que les ventes ne sont pas suffisamment intéressantes, de porter Nexus sur Steam VR, mais bon, aujourd'hui, si t'as un Quest, t'as forcément un PC. Enfin, je veux dire, si t'as un PC, t'as forcément un Quest, quasiment. Et l'intérêt, on va dire, ça serait de le porter sur PSVR 2. Et sur PSVR 2 et sur PC. sur PC, comme je te dis, aujourd'hui tu prends le total des gens qui utilisent SteamVR, qui est la stat, on va dire, la plus facile d'accès et entre guillemets la plus fiable qu'on ait, t'as plus de 70% du parc, c'est des Quest. Donc le jeu est sorti sur Quest. Justement, les gens qui seraient intéressés par ce jeu là et qui ont le Quest 2 ou le Quest 3 l'auront déjà joué. Et justement, le sortir sur PC, ça permettra d'avoir une version justement améliorée du jeu. Et aussi de les faire jouer par des gens, qui n'ont pas forcément d'investissement zéro. Investissement zéro. S'ils balancent le jeu, ce sera le même que sur Quest. Ah bah oui, partons de ce principe-là. Zéro amélioration, et on va pas faire comme Star Wars, et on va sortir le truc tel quel. Et puis, Les mots d'Ubisoft, c'est qu'ils lèvent le pied sur les investissements en réalité virtuelle et qu'ils attendent que le marché se développe. Effectivement, si on reste sur une vision pessimiste de ce truc-là et d'un. C'est pas pessimiste. C'est une vision qui va dans la continuité de la déclaration. Ouais. Ce qu'il est en train de dire, c'est ça, en fait. Quoi. Si tu relis le truc, mais il n'y a pas de bon sens. Là, il te dit, nous avons été quelque peu déçus. Donc déjà, ils ont été déçus par les ventes de Nexus. Mais ils savaient qu'il n'y a pas le vendre uniquement sur leur putain de casque autonome. Quoi. Mais attends, il y a Meta qui a payé derrière. C'est un jeu commandé par Meta. Il y a une exclusivité. Voilà. Hein. Ouais. Donc il s'est quand même sorti sur le Quest 2, sur le Quest 3, sur le Quest Pro. Donc 25 millions de casques. Les ventes sont OK, donc ils disent bon, mais il y a des ventes et ça continue de se vendre. Donc ils sont déçus par contre parce qu'ils pensaient qu'ils allaient en vendre plus. Mais ils précisent bien, nous n'augmenterons pas notre investissement dans la réalité virtuelle. Étant donné qu'ils n'ont jamais rien sorti sur PSVR 2, ça veut dire que nous on n'aura rien. Et ils ne vont pas augmenter leur investissement. Si Meta a payé le financement du truc, ça veut dire qu'ils ne dépenseront rien. Donc je ne pense pas qu'ils vont le porter sur quoi que ce soit. Par contre, c'est possible qu'ils l'amènent sur PSVR 2 et sur PC. À la limite, ils vont activer peut-être deux loupiottes comme ils ont l'habitude de faire, la pizza surgelée habituelle. Ils vont mettre deux loupiottes en plus. Allez, on va booster un peu le framerate, on va faire des trucs comme ça. On va faire vibrer le casque, ils seront contents. Mais il ne faut pas s'attendre à plus s'il arrive un jour. Parce que là, apparemment, chez Ubisoft, ça va très mal. Avatar, c'est pas exceptionnellement bien vendu. Mirage non plus. Ouais. Après, précisons qu'il y a une grève qui se profile Et puis en plus de ça, ils ont quand ils disent qu'ils sont un peu déçus par les performances de Nexus, ils ont aussi dit à côté qu'ils étaient déçus par les performances d'Avatar et par tout ce qu'ils ont sorti cette année, ils sont déçus en fait. Ce qui est un peu contradictoire avec les résultats, parce que mine de rien, bon, ils ont une baisse de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre, mais par contre ils ont dit qu'ils allaient quand même faire leurs objectifs annuels, donc. Oui. Oui, mais alors ça, c'est la problématique des investisseurs. Les investisseurs, ils veulent que la valeur boursière de Ubisoft grimpe tout le temps. Et maintenant, il faut qu'ils justifient qu'elle ne monte pas. Oui, mais bon, merci donc, quand même Rainbow Six Siege qui continue de cartonner, qui a un jeu à service maintenant qui a des années et des années et qui continue de fonctionner vraiment comme il faut, quoi. Ils en ont une petite ribambelle. Hein. Oui, ils en ont un paquet. Il y en a plein. Des jeux. Celui-là est le plus notable, je pense. Encore. Le problème, est-ce que Skull & Bones qui arrive, c'est qu'il faut toujours celui-là, bah tu vois, j'en ai discuté avec Spanks de Skull & Bones. C'est un jeu qui arrive trop tard. C'est un jeu qui était déjà annoncé quasiment, je crois, 2 ans après la sortie de Assassin's Creed Black Flag et puis l'autre qui était, je sais plus, côté Templier là, qui était sorti juste sur PS3. Justement, qui reprenait le principe des. Brotherhood ? Non. Le 3. Bah, le 3. Non. Après Black Flag. Bref. Et... Ah, Syndicate ? Non. Avant. Avant. C'était un hybride en fait, qui reprenait le moteur et un petit peu le gameplay. Pas du tout. C'était qui reprenait le gameplay de Black Flag. Bah, bref. Mais c'est un jeu qui a été annoncé il y a très très très longtemps, qui était un développement de L et donc du coup qui. Va bientôt sortir, a priori en 2024. La hype est complètement passée en fait. Les gens ont complètement oublié justement la sensation que tu avais dans Black Flag. Bah, pas moi. Et j'ai l'impression surtout que Ubisoft, malheureusement, dans la situation dans laquelle ils sont, sont capables de sortir un game as a service, pas facile à dire, et te foirer complètement une monétisation absolument dégueulasse. Et ils sont capables de prendre une bonne idée au départ, en tout cas une bonne idée, un concept qui était une bonne idée il y a plusieurs années. Et d'en faire maintenant un truc genre, vas-y, on a perdu tellement de pognon en fait dans le développement de ce jeu. Il va falloir rentabiliser. Il faut le sortir maintenant. Et par contre, je veux un retour sur investissement en fait dans ce jeu-là. Ce jeu-là, je l'attends, parce que je l'attends depuis des années, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétude dessus. Je vais vraiment attendre avant de l'acheter. Je vais certainement pas le prendre Day One et puis j'attends les premiers retours. Hein. Il me fait très très et peur. Pour ceux qui se souviennent de Battle Wake sur PSVR, c'est ce qu'aurait dû être Battle Wake, ça aurait été formidable. Battle Week. Mais bon, ça c'est. Souvenez-vous. Un autre débat. Gantz, un petit truc à dire sur ce sujet ? Oui, je pense que. Merci Gantz. Attends, j'ai perdu le fil en plus du coup. Oh, mince. Non, je pense plutôt moi avec ces déclarations qui n'ont pas eu la rentabilité qu'ils souhaitaient par rapport à Assassin's Creed Nexus. Et c'est vraiment cette tournure n'augmenteront pas. Alors pour moi aujourd'hui, je pense qu'il y a un budget qui est alloué pour la VR. Et aujourd'hui, ils n'augmentent pas ce budget. Mais je pense pas qu'aujourd'hui ils vont arrêter la VR. Je pense qu'aujourd'hui ils ont pas eu assez de rentabilité et ils préfèrent attendre. Ils préfèrent attendre que la VR puisse éventuellement se développer et revenir à la charge plus tard. Mais c'est complètement dingue. Comment la VR peut se développer si tous les gros développeurs de jeux ne sont pas là? Là, en plus, il finit sa phrase en disant « Nous continuons de considérer le secteur de la réalité virtuelle comme quelque chose que nous devons surveiller ». Ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer, ça veut dire qu'ils vont le surveiller. Donc ils vont regarder comment le marché... Ah tiens, s'il y a du pognon à se faire, on y va. Donc c'est la méthode Microsoft. S'il y a du fric à se faire, on ira. S'il n'y a pas de fric à se faire, on ne s'en occupe pas. Et comment tu veux qu'un marché démarre comme ça? Ça veut dire que toute la VR doit être supportée uniquement par des petits indés, parce que plus aucun gros ne veut y aller, parce que c'est un gouffre à pognon. Pognon de quoi? Sortez votre avatar en VR, bordel de merde. Mais c'est un gouffre à pognon parce qu'aucun gros ne veut y aller. Mais sortez votre avatar en VR, vous avez un putain de jeu qui pourrait être transformé en VR. Je suis d'accord. En fait, le problème qu'on a eu... Le problème qu'on a eu, c'est qu'on était trop limité, on était juste limité techniquement sur la génération de base. Et on a eu Transférence, en fait, d'Ubisoft qui a un putain de beau jeu sur PSVR. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé justement où, bah, comme il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas réussi à percer, parce que bah, pour toutes les excuses qu'on connaît, aujourd'hui, on se retrouve qu'avec des indés qui développent justement leurs jeux sur les plateformes, et c'est pas des jeux qui font rêver, quoi. La majeure partie du temps, quand t'entends, enfin, on en a déjà parlé encore. La dernière fois là, pendant le live, mais c'est des jeux qui ne font pas rêver la masse, quoi. Et si la masse rêve pas et si la masse n'investit pas, et ben ça percera jamais. C'est voilà. Même pas faire rêver, c'est faire rigoler. Enfin, je veux dire, sur la VR nouvelle génération, Capcom peut pas porter à bout de bras tout un marché, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est à dire que les seuls jeux officiels avec des versions VR claque la gueule avec un gameplay qui est adapté, qui est bien meilleur que les modes sur PC et qui fonctionne super bien, il n'y a que Capcom avec Sony qui le fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas possibilité sur des Assassin's Creed Valhalla de faire la même chose, voire même de faire les versions VR en TPS Parce qu'on l'a déjà dit, aujourd'hui, le marché, il n'est pas sur PSVR, il n'est pas sur PCVR, il est sur autonome. Et l'autonome, tu peux dire ce que... Mais, je suis pas d'accord. Tu peux dire ce que tu veux. L'autonome ne peut aujourd'hui supporter un portage comme R4 mais je sais que, ou un je portage sais que, comme R8. Je sais que t'as raison. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, les mecs, ils se disent, si on veut de l'argent, il faut faire de l'autonome. Si on veut porter notre jeu plat en VR, on ne peut pas le faire sur autonome. Voilà. Oui, mais c'est là où ils se plantent sur toute la ligne, en fait. Parce que Ubisoft... Techniquement, en tout cas. Non, mais à court terme, terme, ils se plantent complètement. Ça, je suis d'accord. Ils se plantent complètement. Mais en attendant, parce ils peuvent quand même pas y aller aujourd'hui. Non, mais Ubisoft, ils voient quoi? Ils voient 25 millions de Quest 2, Quest 3, Quest Pro. Ils disent, putain, c'est un super parc, 25 millions, tu te rends compte? 25 millions, c'est pas rien. Ils balancent Nexus sur un jeu, sur des casques qui font 25 millions d'utilisateurs, c'est quand même énorme. Et là, quand tu vas voir les statistiques, Assassin's Creed Nexus VR, il y a en tout 205 000 joueurs dessus. Donc sur 25 millions, il y a 200 000 personnes qui ont acheté Assassin's Creed Nexus. Laurent, le jeu, on l'a vu tourner, il fait pas rêver. Oui, non, aussi dégueulasse que ce qu'on pense, mais malheureusement, et je pense oui, mais que là il où ne veut, fait pas rêver, venir, il n'est pas vendeur. Là, c'est pas ça que je veux préciser. Justement, il faut qu'il soit vendeur sans que tu joues. Le problème, il n'est pas là. Le problème de Nexus, c'est que pour moi, Ubisoft ont vu uniquement les 25 millions de casques. Ouais. Ils ont dit on va faire des chiffres. Ils ont été déçus par les 200 000. Et ce n'est pas le bon public. Le public du Quest, c'est une majorité de casual et de geeks qui en ont strictement rien à branler. C'est des gens qui vont regarder Assassin's Creed. Eux, ils veulent faire du yoga. Ils veulent taper sur René Latop sur leur canapé. Ils vont jouer peut-être à des jeux qui nous paraissent ridicules en tant que joueurs. Ils veulent jouer au tennis en AR. C'est ça qui vont les éclater. Et au final, quand tu vois Resident Evil 4 Remake qui n'a fait que 87 519 joueurs sur PSVR 2, si on commence à dire que le PSVR 2 s'est écoulé, alors je dis 1,5 million, si ça se trouve, on est en dessous de ce chiffre. Il y a 25 millions d'un côté, on va dire 1,5, on va être gentil avec le PSVR 2, on va dire 1,5 million de PSVR 2. Ça veut dire que Assassin's Creed Nexus, qui est sorti... Assassin's Creed Nexus est sorti le 16 novembre et Resident Evil 4 Remake, il est sorti le 8 décembre. Donc RE4 est sorti après Nexus. Donc là non plus, ça marche pas. Et donc si RE4 a fait 87 519 là, joueurs ça marche sur... pas, c'est encore... Non, si, c'est un si, jeu d'horreur encore. Si... Oui, mais si... Ben, encore plus. C'est un raison jeu de plus. Dans la niche. Un jeu d'horreur qui est sorti après, qui est sur un casque que de 1,5 million... Il arrive à totaliser 5,83% des joueurs PSVR 2 quand tu reprends les 87 519 en estimant qu'il s'est vendu 1,5 million de PSVR 2, ce qui n'est certainement pas le cas. Donc rien que Attends, ça, tu vois les, que... T'as fait les calculs oui, quand, Laurent? Oui, j'ai fait... Tout à l'heure. Ce qui veut dire... Il est incroyable. Ce qui veut dire que... En fait, le public PlayStation est beaucoup plus réceptif à un Resident Evil 4, un jeu d'horreur, que le public c'est, Quest c'est parce que si par contre tu compares aux 25 millions de joueurs Quest et les 200 000 ventes de Nexus, ils ne représentent que 0,8% des joueurs Quest. Donc en fait, c'est là où Ubisoft, plutôt que de voir un parc gigantesque de 25 millions de casques, ils n'ont pas compris que ce marché-là était partitionné en des tonnes de joueurs différents, y compris des professeurs dans les écoles qui achètent des palettes de Quest, hein, pour montrer des trucs à leurs gamins, pour, à leurs élèves. Tous ces gens-là qui ont acheté des Quest, c'est pas, y a peut-être un tout petit pourcentage de joueurs là-dedans. Et au final, et ben voilà ce qui arrive. Et c'est là où le PSVR 2 a quelque chose à tirer. C'est que c'est sûr que si Ubisoft s'amusait à faire juste un mode VR d'un de leurs plus beaux jeux qu'ils ont sortis, on parlait d'Avatar tout à l'heure, je suis sûr que sur le PSVR 2, le pourcentage serait bien plus élevé. Et là, ce qui manque au PSVR 2, ce qui manque sur le PSVR 2, c'est d'avoir plusieurs titres comme RE4 qui permettent de soutenir ce marché, parce que ça ne veut pas dire que les joueurs vont acheter le casque grâce à ces licences-là, et après ils vont découvrir tous les autres jeux et tout le monde serait content en fait. Mais là, ces chiffres, 200 000 pour 25 millions de casques, je comprends Ubisoft qu'ils soient déçus et qu'ils lâchent la VR. Et l'erreur qu'ils font, c'est de lâcher la VR là, ou de lever le pied. Là, maintenant, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils se reprennent, qu'ils réfléchissent un petit peu et qu'ils se disent, effectivement, le Quest, c'est ça, mais c'est tellement partitionné qu'on a touché qu'une niche dans la niche, justement. Même une niche dans la niche dans la niche. Et donc voilà quoi, il faut. Et c'est là où je trouve qu'il y a un sérieux souci. Et on le ressent dans le Discord. Une méconnaissance du marché aussi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui résonnent en Quest. Des gens qui sont dans le Discord qui résonnent en Quest. C'est pas beaucoup de gens, c'est tout le monde résonne en Quest. Oui. Aujourd'hui. Mais la VR, c'est l'autonome. Mais justement, l'autonome, c'est le Quest. On parle de Pico, mais bon, Pico, ça reste anecdotique. Et en plus, alors, là, je suis d'accord, l'autonome, c'est le Quest. Pico n'est l'avenir que plus. Ça en a. Mais... Par contre, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que le PSVR 2, il a un public très précis, un public de joueurs PlayStation très précis, et qu'on voit clairement ici qu'un jeu d'horreur qui, par rapport à un Nexus qui aurait dû cartonner, eh ben, il éclate en fait. RE4, il éclate Nexus en pourcentage de joueurs. Et on voit que le public n'est pas le même, et c'est là où les développeurs devraient un peu plus s'intéresser au PSVR 2 plutôt que de le laisser tomber, parce qu'ils ne voient que les ventes en fait, que les chiffres de vente. Et le problème, les chiffres de vente, il explosera le jour où ces gens-là, justement, comme Ubisoft, se réveilleront. Tu nous sors un portage de Origins, de Valhalla ou même de Mirage sur PSVR 2, je pense qu'ils feront plus de 200 000 ventes. Malgré les 1 million de casques. Mais RE4, il démarre juste. Mais c'est pareil. Quand tu vois RE7, c'était une autre époque. Mais il a tapé 1 200 000. RE7, RE8, je ne me rappelle plus. Mais c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas assez de jeux. Les joueurs PS5 qui sont intéressés, ils regardent, ils disent « Bon, je ne vais pas acheter un truc à 600 balles pour jouer à GT7, à Gran Turismo 7 ou Horizon. Bah, » Il y en a qui le font. Qui reste le meilleur jeu du catalogue aujourd'hui. Il y en a qui attendent. Il y en a qui crachent pas dessus. Il y en a qui attendent juste. Et si on en avait 10 comme ça, ça suffirait. Ça porterait tout le catalogue complet. Ça porterait tout. Et le public PlayStation, l'erreur, c'est quand j'entends sur le Discord qu'on me dit mais le motion gaming c'est le top, nous on veut de l'AR, nous on veut du sans fil, nous on veut. Mais ils se trompent de marché en fait. Ils se trompent de public. Ils se trompent de cible. C'est pas du tout, et c'est là où les gens ne comprennent pas nos réactions face à ce que eux pensent, parce qu'ils ont une vision VR pour Quest, et c'est là où ils comprennent pas que c'est pas du tout la même cible en fait, et que c'est pour ça que quand on nous sort un jeu pourri Quest sur le PSVR 2, c'est pour ça qu'il se vend pas aussi. Et c'était d'ailleurs justement la communication officielle d'Ubisoft pour justifier le fait que Nexus, alors que c'était du bullshit, était développé uniquement sur Meta. Oui, après avoir fait les tests, on s'est rendu compte que justement, c'était mieux sur le sans-fil. Les joueurs étaient beaucoup, appréciaient beaucoup plus le jeu sans le fil, et qu'il fallait forcément du room scale, etc. Moi, tout Nexus, je l'ai fait assis sur mon gros cul et ça marchait ultra bien. Ouais, mais sans fil. Non, pas sans fil. Donc, ils ont raison. J'étais filaire. Pardon, t'étais branché. J'étais branché. Ah, monsieur, un autonome. J'ai un autonome. Bravo. Et pour tenir la batterie, moi, le bordel, il est tout le temps branché. Et ça fonctionnait très, très bien. Et j'ai vraiment apprécié le jeu comme ça. C'est formidable, autonome, c'est incroyable. Donc voilà. Mais moi, après, je suis pas un public cible, comme je disais tout à l'heure. Je suis pas la voix de la raison. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, j'ai envie de dire Ubisoft un petit peu chais. Voilà. Vas-y, Gantz, excuse-moi. Non, mais je me dis, même si je suis sûr qu'un simple portage de Nexus sur le PSVR 2, je suis sûr qu'il se vendrait. c'est tout ce que le jeu mérite. Le jeu, il mérite justement d'avoir un portage sur PSVR 2. Moi, je vous le laisse. Mais parce que vous êtes con et parce que vous n'y avez pas touché et que vous n'avez pas justement. Mais il y en a marre. Si je veux les jeux prix mobiles, moi, j'en peux plus. Vous n'avez même pas. Vous êtes même pas donné les moyens d'essayer ce jeu. Mais attendez, messieurs, s'il vous plaît, respectez. Essayez. Non, mais je ne vais pas acheter un Quest 3 juste pour jouer à Nexus. Mais c'est pas une question d'acheter le Quest 3. C'est une question justement sur le PSVR 2. De l'avoir sur PSVR 2. Tu donnes même pas en fait la chance au jeu, tu ne l'as même pas mis sur ton crâne, tu ne l'as même pas essayé, tu t'arrêtes sur les trailers que tu as vus sur un écran plat et tu dis ça c'est de la merde parce que les carottes elles sont plates. Non. S'il sort, je serais bien obligé de l'essayer. D'ailleurs, s'il sort, mais crache pas dessus sans avoir goûté, quoi. Parce que je peux te dire que. Non, mais. Oui, mais donc tu es en train de. Voilà, là, t'as un discours où il faut supporter ce catalogue autonome qu'on se bouffe depuis le début, qui était à 60%. Ben si, il faut. Je mets pas Bartender. Non, Laurent, je mets pas Bartender au même niveau que Nexus. Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Pour moi, c'est pas tout blanc ou tout noir. Dans les productions autonomes, effectivement, il y a des choses qui méritent l'intérêt. Oui, mais par exemple, avoir un Asgard Wrath 2 rehaussé graphiquement avec des vraies textures sur PSVR 2, je peux te dire qu'il a carrément sa place sur le catalogue par rapport à toutes les merdes autonomes qu'on se tape sur le PSVR 2. Et je peux te dire aussi que le Nexus, tu le rehausses un tout petit peu au niveau des textures et tu rajoutes même, soyons fous, une IA un petit peu plus chiadée ou en tout cas patchée et moins buggée que ce qu'il y a dans le jeu d'origine. Il mérite grave sa place sur le PSVR 2 par rapport à toutes les merdes autonomes qu'on est en train de se taper en ce moment. Ah mais Planet. Comparaison, c'est sûr. C'est pas tout blanc et tout noir et c'est pas tous les trucs autonomes. Mais c'est pas une histoire. Faut arrêter de dire ça. C'est pas tout noir ou tout. Je m'énerve, excusez-moi. C'est que tous les trucs autonomes, bien sûr, là on en bouffe 65% de jeux autonomes sur le catalogue PSVR 2, 30% de remaster PSVR. Et 5% de jeux pour lesquels, logiquement, on a acheté. Mais ça veut dire quoi, un jeu autonome? Putain, un Asgard Wrath 2, maintenant, c'est un jeu autonome. Je peux te dire... Mais c'est un jeu autonome. Techniquement, mais alors que c'est un jeu PC au départ, c'est uniquement le même moteur du jeu, alors, avec... Oui, on change l'âge, l'eau. On change le truc. Tu l'as dit, il n'y a pas d'IA. Putain, mais vous... Tu viens de dire, il n'y a pas d'IA. T'as dit, il n'y a pas d'IA, il faut une optimisation. Pas sur Asgard Wrath. Non, il parlait de Nexus. Là, je parlais de Nexus quand je parlais de l'IA. T'as pas écouté ce que je disais? Asgard Wars 2. J'ai compris que tu parlais d'Asgard Wrath pour les bugs, un rehaussement de texture, un peu de l'IA et quelques sur bugs. Sur Nexus, oui, mais pas sur Asgard Wrath 2. Asgard Wrath 2, tu peux pas dire. J'ai compris Asgard Wrath. En l'état, c'est uniquement un jeu autonome. Il faut arrêter justement Asgard cette espèce de paradigme. Asgard Wars 2, il a coûté 150 millions de dollars. Et il s'est vendu sur le Quest 2, 3 et Quest Pro à 100 000 exemplaires. Donc comment tu veux que des mecs ils investissent 150 millions de dollars? Non, mais c'est parce pas que possible, la connerie justement, la connerie c'est de se dire offert, que ce genre de choses n'a pas de place sur PSVR 2 et n'a pas sa place sur PSVR. Il est offert sur Quest 3 jusqu'au. Oui, mais bon, il savait. Attends. S'ils développent un jeu qu'il ait coûté 150 millions ou pas, ils savent que l'investissement il est fait en vendant le casque. Ouais, il était lissé sur les ventes du Quest 3. Voilà. Carrément. Ouais. Donc là, les 100 000 ventes, ça compte pas. Après, le souci, moi, de ce genre de truc, c'est que c'est pas ça qui va faire vendre des PSVR 2. Faut pas croire que. Si, peut-être qu'il y en a qui vont le prendre parce qu'ils vont dire putain, il y a un Assassin's Creed sur PSVR 2, ils vont l'acheter, mais ils vont se faire piéger, les types. C'est pas une question de vendre du PSVR 2 maintenant, c'est aussi une question de rassurer un petit peu ceux qui ont déjà acheté le PSVR 2. Et si tu leur proposes ce genre de production autonome qui est sorti uniquement sur Donc, Quest 3, là, tu parles, et que tu leur proposes sur PSVR 2, ils seront refaits, les gens. Ils seront vraiment refaits. Ah bah, ils vont être contents, c'est sûr, parce que c'est le meilleur de l'autonome. Comme je pourrais dire, comme Red Matter 2 était le meilleur de l'autonome. Et du coup, il ne faut pas cracher sur ce genre de production qui est le meilleur de l'autonome. Il ne faut pas se dire. Mais c'est pas ça. Les portages autonomes, ça m'intéresse. C'est pas ça. Ça, ce discours, je peux plus l'entendre. C'est pas ça qui va. Mais ouais, mais comme moi, les portages autonomes, je peux plus me les voir, par contre. Bah oui, je suis un peu. Non, mais là, pour le coup, j'entends ton discours, ça, mais je suis un peu comme Laurent, c'est-à-dire que moi. Parce que vous faites un blocage. Mais bien sûr, mais parce que attends, on a un blocage. Vampire la Mascarade est un jeu autonome aussi. Vampire la Mascarade est un jeu autonome aussi qui est à peine en dessous graphiquement que la version PSVR 2 et PC. Mais il n'y a pas que graphiquement, il y a aussi. Et vous avez kiffé. Non, c'est propre, Nexus, mais il y a aussi en termes de vie. Tu rajoutes en termes de vie, je suis désolé. On a kiffé parce qu'on n'a rien à bouffer, c'est pour ça. Écoute, mais Vampire la Mascarade et Hitman 3 à côté, qui est un jeu d'une génération précédente, et puis tu reviens sur ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que l'autonome, je l'ai supporté tant qu'il venait pas nous casser les couilles. Voilà. Aujourd'hui, j'étais d'accord avec Laurent sur le fait qu'il y avait deux marchés. Il y a deux marchés, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on ne nous prend pas pour des jambons, aujourd'hui, l'autonome vient nous faire chier. Je suis désolé, moi, j'ai pas acheté un casque filaire branché sur une console pour jouer à des jeux de merde. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est donc ce qu'on Nexus a. Donc Nexus et Asgard Wars 2, c'est des jeux de merde. Basta. Bah, pour c'est moi, autonome, c'est des jeux qui sont ouais, pas... Moi, mais pour Asgard moi, c'est... Alors, c'est pas des trucs qui... Écoute, c'est pas des trucs qui peuvent être... Alors, écoute, ça peut être la Rolls-Royce de l'autonome. On est d'accord ? Ça reste de l'autonome. Et c'est... Combien de pourcents quel taux ça représente ce genre de jeu, on va dire, si tu estimes que ce sont des jeux de qualité. Alors Asgard Wrath 2, j'ai aucun doute là-dessus. Il est faible techniquement, mais ça a l'air d'être un jeu qui a une histoire qui tient la route et qui a un lore et un gameplay qui tient la route. Nexus, vraisemblablement, vous dites aussi que c'est pareil. De ce que j'en ai vu, très honnêtement, ça me fait pas du tout rêver. Mais ça fait deux jeux. Le reste, il est où? C'est quoi Vampire, le reste? C'est To The Radius dont on parlait tout à l'heure dans le Discord. Saints and Sinners, Retribution. Tous ces jeux-là, justement, qui sont sortis aussi en autonome, juste avec des presets graphiques. Mais c'est pas les mêmes. Un petit peu en dessous. Ok, mais oui. c'est pas les mêmes jeux. Aujourd'hui, c'est fini, ça. C'est fini. Donc, du coup, tous ces jeux auraient pu sortir sur le PSVR. Donc, du coup, on bloque tout ce qui sort sur l'autonome. Mais on considère que ça nous intéresse plus. C'est ça. Moi personnellement aujourd'hui j'en suis là, c'est que je fais un blocage dès que tu me dis autonome, j'ai pas envie. Entendu. Voilà, c'est tout, j'ai pas envie parce que je me sens biaisé, je sens qu'on est limité. Moi encore une fois, je suis désolé. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, tu prends à ce que je disais sur Hitman 3 et je me faisais la réflexion tout à l'heure, j'ai presque envie de faire un comparatif avec plusieurs vidéos de ce qu'on avait en 2017, en 2018 et pas que techniquement. Mais là tu vas pleurer en termes de proposition, en termes de type de jeu, aujourd'hui c'est du FPS, du jeu d'horreur, du roguelite. Tu n'as que ça et du roguelite, voilà, parce que le roguelite c'est facile, la durée de vie c'est le joueur qui l'a fait et tu fais continuellement la même chose et t'as juste à rajouter 2-3 trucs à côté, c'est la solution de facilité pour faire des jeux longs, mais de manière courte, enfin vous m'avez compris. Donc moi aujourd'hui clairement, oui, et je pense que de toute façon tout le monde le sait, je fais un blocage sur l'autonome. Tu me dis c'est un portage de l'autonome, je dis va te faire foutre, voilà, j'ai plus envie de ça. Et quand je joue à des jeux comme GT7, quand je joue à des jeux comme Resident Evil, je me dis mais merde à la fin quoi, arrêtez de m'emmerder parce qu'il n'y a pas de fil sur le casque d'à côté et qui en plus visiblement ça se vend pas des masses, alors selon certains jeux, parce qu'il y en a un autre qui a je sais plus quel studio là qui a tweeté que depuis qu'ils étaient sur Quest ils avaient retrouvé la rentabilité là où c'était pas le cas. Il y a plein de jeux qui marchent sur PCVR, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas envie de soutenir ça. C'est pas la VR qui me fait rêver. Voilà, c'est juste ça. Je n'ai pas envie de soutenir ça. Ça ne me fait pas envie. C'est le principe d'un jeu, c'est quand même d'avoir envie. Bon, mais il y a des jeux qui te font envie avant de les acheter et quand ils jouent, c'est de la merde. Il y a des jeux qui te font pas envie quand ils jouent, ils sont bien. Mais aujourd'hui, malheureusement, rien ne me fait envie et rien ne me donne envie de pousser dans un catalogue comme ça. Voilà. Ouais. Et c'est mon avis. Mais factuellement, je me sens biaisé, comme je dis, j'ai soutenu l'autonome pendant des années parce que je disais putain c'est bien, franchement tu peux jouer sans fil, tu peux jouer partout, tu peux jouer dehors, c'est très bien, ça venait pas nous faire chier. Aujourd'hui l'autonome, il n'y a que ça, il n'y a que ça, et tu peux pas me dire là, le contraire, il n'y a que ça sur... parce que c'est l'Eldorado, parce que c'est là où l'argent se fait, mais c'est pas la VR qui me fait rêver, c'est pas la VR à laquelle j'ai envie de jouer, donc je ne soutiendrai pas quelque chose. Et c'est ce que je te disais quand je te charriais en te disant qu'en achetant un Quest, tu soutiens l'autonome. C'est ça. C'est moi, j'ai pas envie d'acheter un casque autonome parce que c'est, de manière indirecte, favoriser les ventes de l'autonome et donner le message que l'autonome m'intéresse. Alors que c'est pas vrai, même si c'est pour y jouer moi, sur PC. Moi, je pense... Ce n'est pas vrai. On ne demande pas d'acheter le casque. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on préférait tous jouer à des... Vous faites un blocage, justement, en vous disant... D'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué et qui m'a un petit peu gêné, parce que ça, je l'ai déjà dit sur le test de Arizona Sunshine 2, qui, pour moi, n'est pas un jeu autonome. Moi, je l'ai découvert sur PC. Pour toi, oui, d'accord, très bien, ça on a bien compris sur le test et sur ce que tu dis à chaque fois qu'on parle de ce jeu-là. Moi, je l'ai apprécié sur PC en faisant complètement abstraction justement de son développement sur autonome, enfin en tout cas son adaptation sur autonome, qui est bien plus dégueulasse que sur PC et sur PSVR 2. Moi, ce qui me gêne maintenant, c'est cette espèce de blocage que vous avez. Vous avez tout à fait répondu à ma question et je vous en remercie pour voilà, votre transparence sur des jeux, notamment de l'ampleur de Nexus dans une moindre mesure et surtout de jeux comme Asgard Wrath 2, en disant même ça, si ça sortait en rehaussé sur PSVR 2, ça ne m'intéresserait pas car c'est du jeu autonome. Ok. Pour moi, c'est une façon de penser extrêmement restrictive et dangereuse. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est une façon extrême de penser, certes, mais par contre, c'est pas une façon de penser qui nous est venue comme ça, si tu veux. C'est-à-dire que quand t'es déçu par quelque chose, t'as plus envie d'y aller. Mais dès que tu commences à avoir des avis un petit peu absolus dans ce genre-là, sans justement prendre en considération l'ampleur d'un jeu, parce que l'ampleur d'un jeu, c'est pas uniquement une question de texture, une question de nombre de polygones, c'est une question... Non, c'est une question d'envie d'y retourner, c'est une question de gameplay, qu'est-ce que tu ressens quand tu mets ton casque sur la tête. Et mettre dans le même, panier autonome, voilà, estampillé autonome, des jeux comme Star Tender, Job Sim... Et puis Asgard Wrath 2, parce que ça a été développé sur Autonome et qu'ensuite c'est porté sur d'autres castes. Tu m'as pas écouté, ça. Je t'ai dit Asgard Wrath 2, il est très bien pour ce qu'il propose. Il est juste limité techniquement. Pour le reste, c'est très bien. Si tu me le proposerais aussi, je te dis pourquoi pas. Ça dépendra de ce que ça donnera. Mais c'est pas ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Vous dites ces jeux-là, ils sont portés sur PSVR 2, ça n'intéresse pas ces blocages. Non. Je te dis la majorité des jeux autonomes. Je te dis tu en sors deux. Tu sors Nexus, ce que tu sembles dire. Eh bien. Je dis, moi, il me fait pas rêver de ce que j'ai vu, et Asgard Wrath 2. Je dis, tout le reste, ça n'est rien. Tu sors Into the Radius. Ça ne vaut rien. Into the Radius avec des vrais graphismes. Mais c'est de la merde. Oui, mais aujourd'hui, tel qu'il est, c'est de la merde. Oui, mais avec des vrais graphismes, c'est plus pareil. Mais c'est plus Into the Radius. C'est un autre jeu, du coup. Non, je suis désolé. C'est la vérité. De toute façon, moi, dans ma tête, c'est très clair. C'est que. Si je n'aime pas quelque chose, je ne le soutiens pas, et pour ne pas le soutenir, je n'achète pas. C'est tout. Et c'est le seul moyen que j'ai de communiquer. Tu n'achètes pas ma frustration. Et tu n'essayes pas. Ma frustration. Et c'est ça le problème. Mais c'est parce que je n'ai pas envie d'essayer. Parce que si j'essaye ça et que ça ne me fait pas rêver, c'est envoyer le message que ça m'intéresse, alors que ça ne m'intéresse pas. Ne pas acheter. C'est une chose. Ne pas essayer, c'est très différent. Essayer, t'es obligé de l'acheter pour essayer. Bah non, tu peux avoir quelqu'un, merci. Je sais pas, t'as un seil dans ton entourage et qui peut te faire essayer. Tu te fais inviter et puis c'est bon. Tu te fais essayer, tu prends une bière, tu te détends et puis. si maintenant la PS5, son catalogue, il sort 65% de jeux PS2, je suppose qu'il y en a plus d'un qui va être gêné par ça. Après, le PSVR 2, j'ai acheté le rendu fovéal. Et je l'attends. Quoi. Moi, j'arrive pas à ce dans le même panier, tu vois. Il y en a qui sort demain, que j'aimerais voir sur PSVR 2, tu vois, ces genres de productions qui sortiraient sur PSVR 2, j'arrive pas à les foutre dans le même panier que des espèces de jeux. Ils ne seront pas forcément dans le même panier. Qui sortent du Quest et qui sortent après. Mais maintenant, tu me cales un Nexus et un Resident Evil 8 ou un Gran Turismo 7, il n'y a pas photo. Nexus à côté de GT7 ou de. Je vais clore. Oui, on est d'accord. C'est pas le même panier non plus. Mais oui, mais tu fous un Last of Us 2. Messieurs, Last of Us 2 à côté de n'importe quelle production. C'est un débat sans fin. En plat, forcément, il n'y a pas photo non plus. J'ai lu aujourd'hui que Last of Us. J'ai lu aujourd'hui que Last of Us était surcoté, donc non, comme mais quoi Gran les avis Turismo, dit, c'est pas une anomalie. Lolo, s'il te plaît, c'est juste dommage de cracher sur le débat, de potentiel partage. En disant que je constate quand même que depuis que le mode du chien de prairie est sorti, je vais prendre dans la gueule, ça y est. On entend beaucoup moins parler des jeux autonomes et il y a beaucoup plus de streams des jeux via injecteur. Voilà. Donc comme quoi, je pense qu'il y avait quand même une attente et un petit ras-le-bol aussi des jeux autonomes sur autonome. C'est pas un truc qu'on dit depuis des années. Non. Sur ce, nous allons parler. Alors on va rester un petit peu dans le sujet quand même, puisqu'on va parler du State of Play. On va commencer par. La bonne humeur. On va commencer par un jeu édité par Vertigo, voilà, qui Vertigo. A produit notamment Arizona Sunshine 2, qui a fait débat tout à l'heure. Donc c'est une grosse licence, voilà, qui arrive alors qu'il avait été leaké dans la journée du State of Play. Bon, c'est quand même une grosse licence du plat. Bon, c'est toujours plus connu que des bouches de chiottes VR. Du coup, c'est Metro Awakening. qui a fait son apparition, voilà, qui a droppé au State of Play avec un trailer mêlant à la fois images CGI et gameplay capturé sur PS5, mais capturé sur PC à la fin du trailer. Avec un portage Quest 2, Quest 3, Quest Pro et PCVR. Quest 4. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, de ce trailer un peu bullshit, puisqu'on l'a analysé en long, en large et en travers après le State of Play. Je crois qu'on est bien resté une heure et demie, deux heures en plus à la fin image de la diffusion image. Pour, image par image. Pour image en parler. Mmh. Et on a vu des trucs. Alors je sais pas si quelqu'un d'ailleurs a fait des captures pour la version vidéo du pod de ce qu'on a analysé. On vous mettra le trailer de toute façon. Mais voilà, il y a quelques petits détails quand même qui sautent aux yeux. Alors ce trailer est à première vue très beau, avec de très jolis effets de lumière. Une ambiance plutôt sympa. El Rocco disait, pour reprendre ses termes, que ça faisait un peu skin métro sur After the Fall. Il a pas tort. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez, Gantz? On va commencer par toi, du coup, puisqu'on t'entend pas beaucoup. Ouais. Depuis tout à l'heure. Eh ben écoute, moi ce que j'en ai pensé, c'est que effectivement il y a les parties en CGI qui sont très belles, mais ce que j'ai vu quand même du gameplay, je l'ai pas trouvé si moche que ça. Et donc je me dis que ça peut quand même être une bonne surprise. J'espère qu'ils vont tirer les leçons de leurs erreurs sur les After the Fall et les Hellsweeper. Bon, Arizona, je suis un des seuls à pas encore l'avoir essayé, donc je pense que d'ici peu je vais y faire un petit saut pour juger, parce que ce que ça y en dit, ça m'intrigue. Après, il est pas dégueulasse, c'est qu'il est très inégal en fait, et bien en dessous de ce qu'il aurait pu proposer. Clairement. Voilà. Et ce que je me dis, c'est que voilà. Du coup, est-ce qu'un jeu du niveau d'Arizona Sunshine 2, donc avec une essence connue, peut attirer éventuellement des nouveaux joueurs sur... Métro, oui, pardon. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que si on a un jeu d'une qualité d'Arizona Sunshine 2, donc qui effectivement, on va dire qualité autonome. Est-ce que ça peut pas suffire à plaire à de nouveaux potentiels acquéreurs et attirer du coup des nouveaux? Ça c'est une excellente question. Alors effectivement, ça reste une licence quand même qui est connue des joueurs traditionnels, ouais. Donc des joueurs plats. Oui. Et très grosse communauté d'ailleurs. Mais ça reste, ouais. Ça reste encore un jeu horrifique pour le coup. Donc encore un, comme on disait tout à l'heure, enfin il y a quand même une grosse proportion de jeux de ce type-là. Maintenant, je disais que c'était un jeu en monde ouvert, mais pas du tout. Je crois que c'est toi, Sai, qui m'a dit que c'était un jeu qui était plutôt couloir. C'est carrément couloir et ultra scénarisé, ouais. En tout cas sur la trilogie plate originale, ouais. Donc pareil, la question jeu solo, jeu coop. Je pense que. Je crois qu'ils ont dit que c'était solo, non ? Il y a des. Oui, c'est vrai. En plus, oui, on l'a lu. C'est un solo narratif, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a du potentiel pour le coup. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que j'attends de voir. J'ai re-regardé justement les comparatifs avec After the Fall, donc il y a un jeu plus ancien pour lequel ils maîtrisent un peu plus le sujet que. Qu'un Arizona Sunshine 2. Et il y a quand même, enfin du moins sur ces versions-là, il y a quand même un gros effort qui a été fait entre la version Quest et la version PCVR, et également la version PSVR 2. On se souvient juste, et c'est ça le problème des versions Day One, comme tu disais, de Hellsweeper, alors qui n'est pas développé par Vertigo, qui est édité par Vertigo, mais c'est pas développé par eux, je crois. Je me rappelle pas du nom du studio. Et Arizona, du coup, et After the Fall, qui avait été aussi développé avec les pieds sur PSVR, premier du nom. Donc, on sait qu'ils sont capables du pire comme du meilleur, mais bon, effectivement, comme tu dis. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs sur pas mal de choses. Mais bon, on n'est quand même pas à l'abri d'être limité et downgradé par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur notre version PSVR 2. Et je vais clôturer mon avis avant de laisser la parole à Sei sur Metro. Juste, je rajouterais, il faudra par contre qu'ils sortent nickel Day One. Ouais, bah alors ça, sinon c'est foutu. Ouais, c'est ça. Ouais. Malheureusement, c'est un peu le problème aujourd'hui des jeux, et je voulais justement parler de ça en disant que il y a la version optimisée Quest 3 d'Arizona Sunshine 2 qui sort le 13 février. Donc, ce qui veut dire que même là-dessus, ils sortent les jeux sans avoir vraiment le temps de les optimiser au max. Et ça nous permettra également de voir avec cette version Quest 3 où se place la version PCVR et la version PSVR 2 par rapport à celle-ci. Voilà. Du coup, Sei, qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce Metro Awakening? Qu'est-ce que j'ai pensé de l'annonce? Très content, parce que c'est une licence que j'ai beaucoup aimé en plat grâce à la puissance de son ambiance. Principalement, il faut rappeler que Metro, c'est une série de romans qui a commencé à sortir en 2005, je crois, Metro 2033, par Dimitri Glukhovsky, je crois. Voilà, un auteur russe, et qui se passe donc en dessous de Moscou, dans le métro, forcément, comme son nom l'indique. C'est de l'anticipation après une guerre nucléaire 20 ans après, donc ouais, ça se passe en 2033. Je pense qu'on va pas tarder justement peut-être à voir concrètement à quoi ça va ressembler, ce genre de monde. C'était des jeux en plat, en tout cas, qui étaient avec un accent beaucoup mis sur la narration et la mise en scène et l'ambiance quand on arrivait dans des camps souterrains avec des gens qui vivaient là, en fait, qui jouaient de la guitare, des gamins qui jouaient entre eux, tout était vraiment mis dans l'espèce de mise en scène de la misère, en fait, des personnages. Et après, les sorties à l'air libre, qui sont encore plus étouffantes, paradoxalement, alors que tu avais le ciel au-dessus de toi, mais pourtant c'était encore plus étouffant parce que l'air était irrespirable. T'es obligé de mettre en fait un masque sur ta tronche et de changer les cartouches régulièrement pour pas étouffer. Il y a toujours eu cette espèce d'ambivalence en fait dans le gameplay et dans l'ambiance dans ce jeu-là, que j'aime beaucoup. Et du coup, ce que je pense, pour en revenir à l'annonce de ce jeu-là, moi je suis très content en fait, parce que je pense que c'est typiquement le genre de jeu et le genre d'univers qui se prête à la réalité virtuelle. J'espère sincèrement que ça va être aussi bien mené et aussi bien scénarisé et aussi bien mis en scène que les jeux plats. Le côté horrifique fait pas trop peur en fait dans les métros. Ça te saute à la gueule, mais finalement les monstres sont quand même ils sont pas très effrayants, quoi. En gros, ça te fout la pression, mais plus par l'action. C'est vraiment un effroi à la Resident Evil, quoi. En tout cas, en VR ça va pas être la même, mais en tout cas ça aura pas le côté glauque et angoissant, quoi. Ça va être juste l'adrénaline. C'est pour ça que je le mettrais pas forcément dans le jeu d'horreur. Dans le jeu d'ambiance sombre, oui. Dans le jeu d'horreur, pas trop, quoi. Bah, si on considère que RE8 est un jeu d'horreur, RE8 est très agressif. C'est pas vraiment un jeu d'horreur. Non, mais c'est vrai. Sauf sur certains passages avec des poupées, quoi. Mais bon, voilà, c'est plus dans l'épouvante. Allez sur Vrac pour voir il y a un let's play de Majo. Le cri de Majo. Si vous voulez voir ce que c'est l'horreur en direct. Mais voilà, après, moi je suis pas. Enfin, je réfléchis pas quand j'ai ce genre d'annonce là. Je réfléchis pas en termes de est-ce que ça va vendre des casques, ce que ça va apporter au PSVR 2, au Quest, à la VR en général. Qui est l'éditeur, même si on est forcé d'avoir quand même une vision du passif de Vertigo, je serais pas aussi acerbe contre eux que vous, quoi, sur cet éditeur là mais voilà, en tout cas je vais le prendre, en tout cas je l'attends, je pense que je vais me le prendre. Je sais qu'il faut pas le faire, mais je vais certainement le prendre Day One parce qu'il m'intéresse. Ça, tu es sûr à les plâtres comme ça, c'est bien. Et voilà, mais il en faut, hein, c'est pour vous que je fais ça. et donc du coup, mais je l'attends, et j'attends j'attends de l'apprécier au moins autant que Arizona Sunshine 2. que j'ai apprécié. Je le dirai à chaque émission, Arizona Sunshine 2, je l'ai apprécié pour ce qu'il est, comme il est. Donc j'espère au moins avec un petit côté ambiance et le petit lore de Métro en plus dessus. Voilà, j'aimerais que ça se passe bien, comme Gantz, très important, qu'il sorte jouable et sans bug Day One. Bon là, je pense que vous rêvez, mais ok. Ouais, mais c'est dramatique. Aucun jeu ne sort jouable Day One aujourd'hui, que ce soit ou un autre. Donc, là, vu l'intérêt qu'il y a eu sur Arizona le trailer, Sunshine 2 marchait. Contrairement à After the Fall. Le dernier qu'on a eu là, dont on va parler juste après, c'est pareil, patché Day One. Vertigo 2 qu'on a fait avant, patché Day One. Enfin, donc voilà. Toutes les sorties aujourd'hui. Pour finir. Ont leur patch. Pour finir, pour moi, Metro Awakening, c'est Day One et pour la licence. Tu vois, juste pour ça, juste pour la licence. Alors pour ajouter un peu d'eau à ton moulin, il précise donc que l'histoire est inédite. Au jeu et qu'elle a été écrite par le créateur de la série, donc Dimitri Glukowski. Voilà. Donc ça, petit pitch, ça nous place en 2028. Vous incarnez le personnage de Cédar, un docteur à la recherche de sa femme dans les tunnels du métro étouffant. C'est un préquel au roman. Et irradié d'un Moscou post-apocalyptique. Oui, parce que ça se passe avant 2033, effectivement. Au fur et à mesure que Cédar s'aventurera dans le métro, son courage et sa santé mentale seront mis à l'épreuve par les forces surnaturelles sur sa route. Ces rencontres seront à l'origine d'événements qui mèneront à un éveil spirituel qui le changera à jamais. Donc il y aura de la drogue. Et des apparitions. Il y aura des champis. Du coup, Lolo, ton avis, c'est de la merde. Non. Alors déjà, Dimitri Glukowski, donc celui qui a écrit tous les métros, petite parenthèse, c'est qu'il vit en Europe depuis 2022 et qu'il a un mandat d'arrêt international. Il risque 15 ans de prison s'il retourne en Russie, parce qu'il a osé dire des choses pas bien sur le dirigeant de son pays. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, ce qu'il faut préciser également, c'est que moi, ce qui me fait peur avec ce jeu-là, c'est que pour moi, c'est soit ça passe et ça va être merveilleux, soit ça passe pas et c'est l'élastique qui se tend et qui va claquer et qu'on va se le prendre en pleine gueule. Pourquoi ? Parce que justement, la communauté de Métro, c'est pas une petite communauté sur PlayStation. C'est vraiment des gens qui sont à fond. D'ailleurs, il suffit de regarder le trailer de PlayStation pour lire les commentaires et s'apercevoir que les mecs... c'est exactement le même effet que Alix, quand Valve a annoncé Alix. Les commentaires, il y en a quelques-uns, on va dire, allez, 20% qui sont très contents de ce Metro Awakening. Certainement des joueurs qui ont prévu d'acheter un PSVR 2 ou qui l'ont déjà. Et puis tout le reste, les 80% qu'il y a en dessous, c'est « Putain, mais pourquoi ils nous sortent un jeu à VR, qu'on s'en tape, que ça fait gerber ?» On aurait préféré un Metro 4. Et c'est exactement les mêmes symptômes quand ils ont annoncé Half-Life Alyx. Les mecs étaient dégoûtés de ne pas avoir un Half-Life 3 en plat. Et ils étaient dégoûtés par cette version VR. Alors pour ça, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. Au niveau du poids de la licence... au niveau des attentes des joueurs plats qui sont déçus et là on a un petit peu le même truc qu'il y avait pu avoir sur Alyx. Après un jeu PSVR 2 en général sur le PlayStation Blog il tape entre 10 000 et 40 000 vues en moyenne, il y en a qui tapent 50 000. Celui-là en 7 jours il a tapé 210 000 vues, pour te dire que la hype elle est au top, et que là c'est pas que les joueurs VR qui se sont vautrés sur ce trailer, c'est toute la communauté PlayStation 5 qui ont entendu 200 000 c'est dans les chiffres. Et ben 210 000 vues sur ce type de licence en VR. Si tu regardes tous les trailers PSVR 2, il y en a quasiment jamais eu. À titre de comparaison, si on estime que le casque il s'est vendu à 1,5 million d'unités, il y a 210 000 en 7 jours sur PlayStation. Et en face, chez Quest, il y a quand même 25 millions de casques, il n'y a que 125 000 vues. Donc deux fois plus sur PlayStation, ça ne veut pas dire que c'est les joueurs PSVR 2, ça veut dire que c'est des joueurs PS5 qui connaissent la licence, qui sont venus la voir. Donc potentiellement, qui pourraient acheter un PSVR 2. Ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils connaissent ? Ils connaissent la licence Metro, et la licence Metro, elle claque de chez claque visuellement. C'est une tuerie. Les joueurs PS5, moi ce qui me fait peur, c'est que ça nous pète dans la gueule, dans le sens où Soit le jeu soit buggé à ses débuts, soit il soit vraiment pas bon, soit je sais pas moi, il correspond pas à un Metro Exodus qui serait attendu par un joueur PS5, parce que toute la niche PSVR, elle a déjà acquis le PSVR de là. Et maintenant, ceux qui restent, c'est des joueurs PS5 quoi. Mais Laurent, si je peux me permettre, ton avis en tant que joueur. Mais en tant que joueur, moi, Metro Exodus, je l'ai trouvé super scripté. Non. Awakening. L'annonce de Metro Awakening, qu'est-ce que t'en penses? Ben je te dis ce que j'en pense. Je dis que ça, c'est un jeu qui est dangereux. Il faut qu'il soit. En tant que joueur, en tant qu'analyste. Est-ce que c'est un jeu qui t'attire? Est-ce que t'as envie de l'acheter? Est-ce que ça t'attire plus que Arizona Sunshine 2, même si tu connais le passif des trailers de Vertigo? En tant que joueur, c'est du Vertigo. Donc, je sais qu'ils sont spécialistes dans balancer des trailers qui tuent et derrière, ça tient pas. After the Fall, on avait vu un trailer magnifique derrière le jeu, mais on était sur PSVR, donc on pouvait. D'ailleurs, quand il était sorti, il était plus moche sur PSVR que sur Quest 2. Donc, il y a eu ce premier truc là qui m'a reculé un petit peu. De quoi After the Fall. Quel jeu? Non, After the Fall, quand il est sorti sur PSVR, au début, quand il est sorti, il était moins bien que sur Quest. Ah bon? Le premier jour, au lancement, je te parle. Oui, il était moins bien optimisé, c'est surtout les contrôleurs en fait qui étaient à chier. Donc là, bof. Après, Seven Guests, je l'ai trouvé pas mal. Mais il était plus beau que la version Quest, hein. Beaucoup plus beau. Ouais, enfin, beaucoup. Par rapport au trailer, c'était. Mais bon, on était sur PS4, c'était pas grave. Arizona Sunshine 2, c'est pareil, le trailer il déboîtait, le premier trailer il déboîtait, après t'as bien vu que c'était CGI, pas ça. Hein. Donc le premier trailer d'Arizona Sunshine 2 était full CGI. Oui. Là il y a du gameplay quand même. Il y a des phases de gameplay mixées avec du CGI. Quand tu le regardes image par image, tu le vois, les phases de gameplay, tu vois l'aliasing derrière. Les autres, il n'y en a pas. Quand tu vois qu'il recharge son flingue dans le métro avec les deux mecs et la lumière, tu vois le flingue, tu dis on n'aura jamais ça, c'est pas possible. Alors que Alix l'a fait par contre. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est je vais attendre qu'il arrive. Je vais pas me jeter dessus en précommande parce que je sais que c'est du pile ou face. Je vais attendre de voir que les gens disent il est excellent, il est génial et tout ça. On va bien sûr demander une clé pour pouvoir l'essayer. Je dis juste que en tant que joueur, c'est une super annonce parce que c'est Metro, mais ça peut te péter à la gueule parce que c'est Metro. Donc. Qu'est-ce que tu penses justement de ce genre de production un petit peu semi-horrifique, semi-scénarisée, d'une licence quand même importante dans le jeu vidéo? Ça me fait peur. Non mais en tant que ça joueur, me fait peur, ce genre de licence. Mais pas. Oui, ça me fait peur. Tant que je te dis canaliste. En tant que joueur, il te l'a dit. Je sais pas ce que tu veux que je te dise. Il est tiraillé. En fait, je sais très bien qu'en tant que joueur, j'aurais des meilleurs jeux si le PSVR 2 se vend. Donc là, non, on te parle de Metro, on te parle pas de. Eh ben, on te parle juste. Ça fait partie de ça. Est-ce que t'as envie? Alors en fait, est-ce que t'as envie de l'essayer plus qu'un Nexus ou qu'un Asgard Rush? Non, pas plus. Non, pas plus. J'aurais. Par contre, si je vois quand il sort que il tient la route, oui, là j'aurais envie de le prendre. Venant de Vertigo, je suis super méfiant maintenant, donc j'attends. D'accord. C'est pas un truc que je vais précommander quoi. C'est pas un truc. C'est pas. Demain tu me sors, je sais pas moi, n'importe. Tu en parlais d'Avatar ou en parlais d'un truc. Le truc il sera même pas annoncé que dès que la précommande, je vais y sauter dessus. Là, celui-là, j'attends. Je veux voir. Du coup. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez pensé de ce trailer et si vous voulez le prendre dans les commentaires. Moi il m'intrigue parce que c'est Metro. Voilà. J'en ai fait aucun, je vous le cache pas. Par contre, je sais que c'est des jeux qui sont relativement bien estimés. Un bel exemple, moi, qui m'inquiète sur Metro, c'est que dans Metro Exodus, t'as beaucoup de phases qui sortent qui sont en dehors du métro, et c'est justement ça que j'aimais en fait. C'est de pas toujours rester dans ce couloir dans le couloir du métro, c'est les sorties extérieures alors que au masque voilà et que ça alternait de temps en temps, c'était sympa d'être, de se retrouver sur le train. Ben, alors, ça sera le cas, je pense. Voir et d'ailleurs, le monde. Bah, moi, je suis pressé. Oui, hein. Non, justement. Et je suis pressé de le voir, ça sera pas le cas. T'es sûr? Bah, t'as le gameplay du masque. Si t'as le gameplay du masque. Oui, bah apparemment alors je sais pas si c'est pas Osiris qui en parlait la dernière fois, qui a, sur le Discord, qui disait qu'il n'y aurait pas de sortie extérieure, que les développeurs l'avaient annoncé, quoi. Que ça va tout se passer dans le métro, en fait. Alors ça, je l'ai pas vu. Bon, écoute, on verra. On va pas. Donc déjà, ça m'a refroidi un petit peu, mais je sais pas si c'est. Faudrait aller vérifier ça. Après, c'est Awakening. Voilà. C'est Awakening, c'est aussi visiblement un préquel au début du métro, donc ça pourrait expliquer les premières sorties à l'extérieur, ou éventuellement se terminer sur le fait que tu sors à l'extérieur à la fin du jeu. Ça pourrait peut-être. Et c'est ça qui est plaisant dans un Exodus, c'est de voir toutes ces bestioles dans le truc, et puis à un moment tu sors et d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui s'est passé en surface. Et c'est tout ça qui est intéressant, en fait. Et si ça reste tout le temps dans un couloir. C'est encore une autre raison qui me fait attends qu'il arrive, attends les avis, quoi. Bon, en tout cas, on verra ça quand ça sortira. C'est prévu pour cette année, toujours. Pas de date définitive encore, mais on surveillera ça de près parce que ça a quand même l'air plutôt prometteur, voilà. Merci messieurs. Du coup, on va passer à l'autre annonce de ce State of Play qui a surpris tout le monde et à la fois laissé beaucoup de monde indifférent. Bon. C'est Legendary Tale, parce qu'il y a un S, qui est un jeu héroïque fantasy dans un univers un peu, on va dire, dark fantasy, ouais. Même. Plutôt pas très aguicheur au premier abord. On va laisser la parole à Gantz parce que c'est lui qui a beaucoup joué. Je vais le soutenir dans cette démarche puisque j'y ai aussi pas mal joué avec lui. Et on n'est pas tout à fait d'accord d'ailleurs sur l'état des lieux de ce titre. Donc je t'en prie, mon petit Gantz. À toi la parole. Ok. Bon, première chose, c'est vrai que ce jeu-là, dès qu'on rentre dedans, comme ce qu'on a vu en fait au trailer. De toute façon, j'ai le droit d'en parler forcément. Oui, vas-y. Je vais sortir. Ouais. Non, on l'évoquera. Ouais. Donc première chose qui saute aux yeux quand on arrive dans ce jeu, c'est ce vide en fait, ce vide sidéral, quoi, ce manque d'ambiance, au niveau des, il y a rien au niveau des décors. Comment dire, c'est surtout un jeu qui a pas brillé par sa réal, qui a pas su surprendre, on va dire, le spectateur. Et déjà au premier abord, quand on se lance, on est accueilli par un menu qui est plutôt net. On est dans une espèce de caverne, et la première chose à faire, donc, c'est faire une petite création de personnage assez importante avec des stats à disperser en fonction des différentes caractéristiques, donc la force, l'intelligence, la magie, enfin toutes les stats habituelles dans ce genre de jeu, un peu comme on peut retrouver dans un Skyrim. Et du coup, après cette création de personnage, en fait, il est possible donc de jouer soit en solo, soit en coopératif. Voilà. C'est un jeu qui se joue sur les deux bords, et on va dire que déjà, le premier problème qu'on a rencontré en ayant aperçu, on va dire, ce côté visuel très épuré, c'est que le jeu fonctionnait pas en multi. Donc on a mis un petit peu de temps, en fait, avant de pouvoir se lancer, parce qu'on voulait l'essayer tous ensemble. Donc la première rencontre qu'on a eue avec le jeu n'a pas forcément été la bonne, puisqu'en fait on était quatre pour jouer, mais chacun jouait dans sa partie, en partie vocale, et puis on discutait entre nous. C'est ça. Et c'était pas le top du top. Bah, on a vite perdu Sei d'ailleurs. Exactement, Sei nous a abandonné, pas que maintenant, mais également pendant la partie où, en gros, il a dit non, c'est bon, c'est pas pour moi, ça me saoule, j'y vais. Du coup, ce qu'on peut dire également, c'est que le jeu est, et ça, C'est un des gros points noirs pour moi, surtout pour ce type de jeu. Le jeu est full anglais, oui. Non traduit, en sachant qu'il n'y a aucun doublage, tout est textuel, donc c'est des bulles de conversation, on va traduire ça comme ça, ouais, qui sont d'ailleurs pas terriblement bien animées, je trouve, où c'est pas toujours très clair. On sait pas vraiment qui parle. Ouais, ouais, c'est ça, il y a aucune voix sur les personnages non joueurs, et ouais, c'est uniquement du texte, et c'est vrai que du coup en full English, c'est très compliqué, quoi. Ça perturbe énormément, tout en sachant que visiblement il y a un petit lore quand même, ou du moins il y a quelques liaisons entre certains personnages qui en cherchent d'autres, ou que tu vas rencontrer, on va dire, dans l'aventure. Mais tu sens que c'est un prétexte pour aller faire de l'exploration. Exactement. C'est exactement ça. Et du coup voilà, donc ça c'est un peu les premières impressions qu'on a eues avec le jeu. Donc ça part mal, voilà. On va pas dire que ça part très bien. Pour le coup, ça part mal. Donc on a réussi après un patch qui est arrivé, je crois un ou deux jours mardi après. Mardi ou mercredi, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Donc on a réussi, ouais, à jouer ensemble pour le coup avec Gantz, voilà, tous les deux, puisque nos deux autres compères nous avaient lâchement abandonnés pour le coup. Non. Et là, salaud. Et là, c'était pas tout à fait la même approche pour le coup. Et je te redonne la parole. Du coup, Gans, tu vas nous expliquer en quoi t'as trouvé ça mieux du coup que la partie qu'on avait pu faire en solo, en sachant qu'on a plus ou moins recommencé ce qu'on a fait avec des meilleures stats, ça. Par contre un stuff un peu plus étoffé que ce qu'on avait au départ. Parce que justement, suite à ce démarrage loupé, le développeur avec le patch a intégré une mise à niveau en fait des joueurs en créant un nouveau personnage. En fait, on a pu avoir un level 30, je crois, ou 31. Ouais, c'est ça. En gros, on a pris 30 niveaux d'un coup à 10. Alors, du niveau 0 ou 1 ou 2, on est passé au niveau 30 supérieur. C'est ça. Et donc, du coup, ce qui nous donnait 30 points de capacité et plus d'argent. Et d'autres points à dépenser en fait dans les différents menus accessibles pour faire évoluer le personnage. Mais ça, là, vous évoquez justement les conditions de test, en sachant que le jeu n'était pas encore sorti officiellement pendant que vous avez fait tous ces trucs-là. Oui, justement, c'est pour ça qu'on précise la première approche en fait qu'on a eu avec le jeu et cette deuxième approche qu'on a eu une fois qu'on a pu y jouer en multi. C'est pas un test de Day One, quoi. Voilà, faut bien le préciser, quoi. Non, c'est pour ça. Oui, effectivement. Oui. Ouais, donc excuse-moi, j'ai une petite coupure. Donc du coup là, sachant que comme c'est un RPG, forcément c'est un jeu qui nécessite du temps. Donc le fait d'avoir ce niveau et ces points à attribuer de débloquer, ça nous a permis de pouvoir attribuer, parce qu'il y a un arbre de compétences en fait dans le jeu quand on a fait la première partie, on s'en est absolument pas rendu compte, vu que dans le tuto il n'en parle pas du tout. Et donc on a pu développer ces points de compétences et débloquer la magie, des capacités secondaires, ce qui a rendu le jeu pour ma part quand même plus fun, plus plaisant, et plus intéressant. Plus plaisant, qui permet de combiner un gameplay combat à l'épée avec les sorts de magie. Et le fait aussi de pouvoir le faire à deux, ça démultiplie en fait l'intérêt du jeu, quoi. C'est ça, parce que contrairement à ce que j'ai déjà pu voir en solo, c'est moyen. Il faut préciser qu'en solo le jeu est beaucoup plus dur. C'est quand même un jeu qui, plus t'es nombreux, plus va être simple, en sachant que un ennemi, ça reste facile. Deux ennemis, on commence, en fonction de l'ennemi sur lequel tu tombes, on commence déjà à être sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Trois ennemis, si tu les enchaînes deux, trois fois d'affilée, tu vas être vite fatigué, parce que c'est quand même un jeu qui est éprouvant physiquement pour de vrai. Et vite fatigué, ouais. Et en plus, ils ont tendance à t'attaquer tous indépendamment. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du Assassin's Creed, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire la queue leu pour t'attaquer. Ils vont y aller, ils s'en foutent, quoi. Oui, voilà. Oui. Alors, du coup, point noir qu'on peut mettre sur l'intelligence artificielle, il n'y a pas, hormis les gobelins, il n'y a pas vraiment de... Enfin, et encore, il reste un peu con. Il strafe sur les bords. Il strafe mais... un peu, quoi. Hormis. Non, ouais. Alors, ça, c'est certains types d'ennemis, en fait, qui peuvent strafer. Parce que t'as l'ennemi basique, on va dire, le squelette. Classique, qui a juste l'épée, qui lui, il avance, il te met un coup d'épée, voilà. Après, tu pars, t'as le squelette un peu plus rapide, t'as le squelette plus gros. Après, t'as l'espèce de zombie avec l'épée et le bouclier. T'as le zombie avec la faucille. Enfin. Et chaque ennemi a son pattern, mais on est quand même sur des ennemis qui t'entendent plus ou moins en fonction de comment t'arrives. Ouais. Mais ça reste quand même important parce que tu as, en fait, plus tu évolues dans le gameplay, plus tu vas acquérir des compétences qui vont te permettre de te battre et d'appréhender les situations de manière différente. La discrétion, c'est une compétence que tu débloques, c'est-à-dire que tu as la possibilité de t'accroupir, et comme Skyrim, tu as ce petit œil en fait qui apparaît au niveau de tes yeux, qui se ferme en fait pour te dire que tu es en mode discret, et qui s'ouvre pour te dire que tu ne l'es plus ou que tu es visible. C'est bien de qu'ils l'ennemi. Aient pris ça. Il n'y a pas de notion par contre de lumière, mais quand ça se débloque. Dans l'ombre, tu l'as pas au début. Ouais. Okay. Voilà, c'est pas quelque chose que tu as au début. Donc c'est pour ça que le jeu est un peu rude au début quand même. Mais c'est tough, on va dire, énormément dans son gameplay et dans ce que tu peux et de la manière dont tu peux appréhender les différents combats en fonction de tes capacités. Mais par contre, voilà, les ennemis sont débiles. C'est-à-dire que ils vont tout droit. Ils ont effectivement des petites fulgurances comme ça ou des trucs comme ça, mais sinon ils vont toujours tout droit. Ils viennent sur toi, tu vois, ils vont pas essayer de te contourner, ils vont pas essayer de se cacher. Ou ce genre de choses, ça ils savent pas faire. C'est-à-dire qu'ils viennent sur toi, ils vont t'attaquer, ils ont un pattern, etc. Et comme on disait tout à l'heure, ils viennent en groupe. C'est-à-dire que quand t'en as deux qui te repèrent, les deux viennent dès sur que toi. T'as l'aggro, en si gros, jamais ils viennent quoi. Voilà. J'ai remarqué aussi, ils ont souvent tendance à attaquer celui qui fait le plus mal sur le moment. C'est-à-dire que quand tu joues à plusieurs, celui qui a tendance à faire le plus de dégâts. Des deux équipiers en fait, au moment où tu les attaques, ils vont aller sur lui. C'est souvent le cas sur certains jeux multi justement. Donc ça par contre, c'est pas une mauvaise idée. C'est le plus gros danger en fait qui se fait attaquer en premier. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'en multi tu peux prendre un tanker et puis après éventuellement jouer avec d'autres classes. Justement, ouais, t'as un système de classe dans le jeu qui permet d'avoir des petites stratégies si t'as en tout cas un groupe de 4 potes pour peut-être faire un magot, un healer, un DPS et un tank. Ouais. C'est ça. À savoir, par contre, que tu peux pas attribuer toi-même, une fois que tu as attribué au tout début du jeu tes points de force, de stats, dextérité ou magie. Du départ, ouais. Voilà. Après, en fait, c'est avec ta façon de jouer où ça évolue. C'est-à-dire que si tu joues uniquement à l'épée, tu vas monter que de la force. Ah, mais si tu joues avec l'arc, tu vas monter la dextérité. Et si tu joues avec la magie, tu montes ton intelligence. C'est un petit peu le système Elder Scrolls, justement. Plus tu utilises une compétence, plus elle évolue, quoi. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux être un couteau suisse, c'est compliqué parce qu'il va falloir que tu changes tout le temps de. Ou que tu joues 2000 heures. Tout le temps d'art, machin, et ça va être impossible. Donc tu vas forcément être obligé de te spécialiser dans une ou deux classes. Mais c'est bien, c'est une évolution un petit peu naturelle quand même dans le gameplay et justement dans ta façon de jouer qui correspond vraiment au joueur sans même qu'il s'en rende compte, quoi. Ouais. Mais voilà, donc, du coup, c'est un jeu qui nécessite énormément d'investissement parce que on voit, il est vraiment devenu intéressant avec ce niveau 30. Là où au début, c'est vrai que quand tu commences. Tu te fais punir, quoi. Deux, trois premiers squelettes, tu te fais punir. Voilà. C'est vraiment. Dans ce côté-là où effectivement ça fait penser aux Souls sur le côté punitif, mais voilà, pour moi la comparaison s'arrête là et je ne peux pas comparer ça à un Souls au niveau de l'ambiance. Voilà, moi il y a un truc qui me manque dans ce jeu, c'est au niveau de l'ambiance. J'arrive pas à décrire ce qui manque. Il y en a pas. Non, mais il y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a pas de, moment épique. T'as pas de. Et là, on va rentrer dans le. On va dire dans le côté un peu. Je peux donner mon avis un petit peu avant du début. Oui. Ah bien en sûr. Tout cas, justement. Vas-y. Oui, parce que toi, t'as fait le tuto 2-3 fois et t'as joué une demi-heure ou 40 minutes. Suite avec... à dès qu'il a vu qu'il y avait pas de bouton pour s'accroupir, il est parti. Et en solo. C'est ça. Alors attends, Gant, je vais te calmer tout de suite. Toi qui es si médisant. Non, effectivement, il y a pas de mode assis en fait dans ce jeu-là. J'y ai joué debout, de bonne grâce, tu le remarqueras. et puis voilà, en fait, ça, même le gameplay prend son sens debout, alors que assis, ça aurait pas vraiment de sens en fait à cause des esquives et puis du petit côté roomscale, voilà, qui apporte un tout petit peu plus dans ce genre de jeu. Mais vous alliez commencer à parler d'austérité un petit peu du jeu. C'est vrai qu'en fait, moi, il m'a fait penser graphiquement déjà à du Morrowind au niveau de la charte graphique. Ouais, la couleur. Les couleurs, le type d'environnement, le type même de map au sol. Tu vois, comment ça monte, ça descend, tu vois, dans certains chemins. Ça m'a fait penser à un truc très austère, un petit peu à la Morrowind. Ce côté découpé à la serpe. Complètement, mais complètement, hein. Clairement. C'est un jeu qui a plus de 20 ans, ça. C'est un jeu de 2002. Morrowind, Laurent nous avait trouvé la date cet après-midi. Effectivement, 2002, Morrowind. Donc voilà. Mais après, 22 ans. Voilà. 22 ans. Voilà où on est à la VR. Mais, et c'est un jeu voilà, que j'ai adoré. Mais après, je pense que. Et voilà ce qu'on présente au Set of Place. Voilà. Mais après, je pense sincèrement que quand tu t'investis, comme tu disais Gans tout à l'heure, parce que c'est un jeu vraiment où tu dois t'investir dedans, quand tu commences à t'investir un petit peu dans le jeu, tu fais abstraction à ce genre de choses, tu commences à avoir justement quelques capacités de gameplay et quelques. Je pense que même si c'est un jeu à gameplay émergent, je suis quasiment sûr en fait que vu la qualité du moteur physique de ce jeu là, t'es capable de trouver en fait des façons de niquer un petit peu le game qui peut être vraiment kiffant, parce que moi ce qui m'a vraiment plu en fait, il y a pas grand chose qui m'a plu hein, dans ce jeu là je l'avoue, mais ce qui m'a plu en tout cas au départ, c'est vraiment le moteur physique et le fait que quand t'as un ennemi qui t'envoie un coup d'épée et que tu l'esquives, ou quand tu le pars avec ton épée, tu sens vraiment la lame qui glisse physiquement sur ton épée. C'est un truc, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Quand tu te prends un coup de lame sur... Les contres sont très bien représentés. Voilà. Pas forcément. C'est de toute façon la force du titre. Hein. Ouais. Non, enfin, je veux dire la collision. Les collisions sont très bonnes entre ton bouclier, ton arme, et d'ailleurs, on peut préciser aussi que tu... à ce même genre de collision, ce qui est très rare dans ce genre de jeu, enfin du moins quand tu joues en multi, tu as ce même genre de collision avec tes partenaires, c'est-à-dire que tu peux jouer de l'épée taper la tête avec avec ton épée. Exactement tes amis, et même la natte la queue de cheval pardon de Gantz, puisque il avait un personnage féminin, a une physique, c'est-à-dire que même avec ton épée, la queue de cheval, bon ça ne sert à rien. Mais, il n'y a pas que la queue de cheval qui a de la physique. Ils ont quand même poussé. Ils ont quand même poussé le détail jusque-là. Oui, effectivement, il n'y a pas que la queue de cheval qui calmez-vous, a de la physique. Calmez-vous. Ça fera peut-être partie des bonus. Et le Rocco, petite pensée. Ah, restez bien jusqu'à la fin. La fin pourrait vous surprendre. Le classique. oui, effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, la physique est plutôt pas mal développée. Et même tu as des styles de combat qui sont adaptés à ça. Où tu peux te servir de l'environnement en fait, mais ça c'est pareil, c'est une compétence que tu débloques pour les combats au corps à corps, où tu peux saisir les ennemis et tu peux les faire voler, les envoyer valdinguer un peu à droite à gauche, les éclater sur une table. Presque, tu vois, c'est le jeu est bridé, comme disait Gantz tout à l'heure, par rapport à son système d'évolution RPG, c'est-à-dire qu'en fait t'as pas mal de choses comme la discrétion, comme le fait de pouvoir péter les ennemis sur une table, dû à sa nature de RPG, c'est-à-dire que c'est des trucs normalement qui devraient être naturels et disponibles directement en début de jeu pour être une sorte de jeu un petit peu bac à sable, et puis tu fais n'importe quoi avec tes potes et tu t'amuses, plutôt que d'être des compétences que tu débloques au bout de 10, 20, 30 niveaux. Bon, je pense que là il y a un truc qui va pas, et pour revenir justement donc à la physique, c'est vrai que j'ai été surpris d'apprécier que de prendre des coups sur la gueule, c'est à dire que quand un ennemi te met un coup d'épée sur la tronche, tu le ressens dans le PSVR 2 avec le retour haptique du PSVR 2. Ça fait longtemps en fait, et je pense même que c'est la première fois que j'ai un ressenti de l'action direct dans un jeu que je ressens physiquement et qui m'aide en fait dans l'immersion de ce jeu là. C'est la première fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'ont plu dessus, donc je pense que plus tu t'investis dans ce jeu là plus il doit être plaisant. Après faut passer le côté un petit peu rugueux du départ, après il faut s'investir. Mais moi c'est ma grosse crainte, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui vont faire une session Et qui, et au prix du jeu, qui est une erreur et qui est un bug, ouais. En tout cas une mésentente entre le développeur et Sony, et enfin PlayStation, à mon avis, ça va pas jouer vraiment en sa faveur, en tout cas si cette grille tarifaire n'est pas vite corrigée. Et juste pour terminer sur mon avis, il y a un truc qui m'a vraiment plu, c'est l'ambiance sonore. Alors c'est très austère, mais il y a quand même t'as des morceaux, notamment dans le tuto et dans le début du jeu, qui te rappellent à fond, c'est quasiment du plagiat Diablo 1 et Diablo 2. C'est la musique de Tristram, c'est complètement ça, et c'est un petit morceau acoustique ambiance un peu mélancolique et tout. Ça va rappeler des très très bons souvenirs justement aux vieux joueurs de Diablo, hein. Et je parle pas du 3 ou du 4, hein. Vraiment aux très très vieux joueurs de Diablo. On aime, on n'aime pas, ça colle ou ça colle pas. En tout cas, c'est sûr que c'est pas de la musique dynamique dans les scènes d'action comme tu peux voir dans certains jeux et surtout dans les jeux récents. Mais c'est un petit côté nostalgique que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, moi, ça m'a parlé perso. Donc voilà, en tout cas, ce que je pense de ce jeu-là. Il y a le système de loot qui est pas inintéressant, mais voilà, vous m'aviez dit que voilà, les cristaux, c'était pas la peine de déséquiper une arme pour récupérer les cristaux et puis les serrer, on peut foutre des coups d'épée dessus pour récupérer directement. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est aussi le gros problème, c'est que t'as un tuto au niveau qui finalement ne t'explique quasiment rien. Ça t'explique pas ça. Dans le tuto, il t'explique que tu dois les attraper à la main, ouais. et les prendre. Ouais, mais c'est, parce que ça c'est un peu le côté aussi. Ça, je peux le comprendre, et c'est quelque chose qui m'avait plu dans Song in the Smoke, c'est ce côté expérimentation. Démerde-toi. C'est aussi pour te pousser à parce que. Si le jeu est basé sur la physique, en fait, c'est pour te pousser à comprendre que en fait, la physique peut te permettre de faire plein de choses. Mais ça pourrait fonctionner si justement toutes les capacités étaient disponibles dès le départ, sans le côté justement évolution RPG. Là, c'est pas le cas. T'es obligé justement de débloquer des compétences pour pouvoir expérimenter. En l'occurrence, on parlait des cristaux. Mmh. Les cristaux, t'as pas besoin de capacités spéciales pour Mais je veux dire, il suffit de taper, dedans, je pense, avec ton épée par hasard, parce que tu peux pas faire ça que. Enfin, tu peux faire ça que par hasard. Taper sur ton cristal pour voir que t'as un loot qui en sort, quoi. Parce que ce que t'explique le tutoriel, c'est tu prends le cristal, t'appuies sur la gâchette, tu forces dessus, et tu l'éclates. C'est ça qui est expliqué dans le jeu. Ouais. C'est pas faux. Ouais. Du coup, c'est tout ce qui t'a plu dans le jeu. La musique, la physique, je pense que c'est un jeu à fort potentiel. Je pense que c'est un jeu qui a 22 ans de retard graphiquement. Je pense que c'est un jeu qui n'a absolument aucun intérêt en solo et qu'à plusieurs, par contre, ça va être un putain de pied. Si t'as un ou deux potes avec qui le partager et puis essayer de le. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut que ça soit toujours les mêmes. Oui. Bah ouais, puis il faut progresser ensemble. Si t'as l'habitude de te battre en fonction, enfin avec qui, en fonction des classes. C'est ça. Faut que ce soit des potes proches avec les mêmes disponibilités. Faut pas qu'il y en ait un qui avance un peu plus que les autres, parce que forcément ça va déséquilibrer un petit peu la difficulté. Sous certaines conditions, je pense que ça peut être un jeu très très kiffant. Autrement, si vous êtes un jeu solo, par contre, Les yeux presque fermés. À noter que c'est un des rares jeux qui prend en compte le rendu fovéal dynamique, voilà. Et aussi, on l'avait précisé, il est super samplé, donc il est de 2 à 2,4 fois plus net que la résolution d'origine. Est-ce que vous avez parlé Murat Rien du tout. Reprojection. Alors la repro. Moi, je n'ai pas vu, perso. Je pense qu'il y en a un poil. J'en ai pas vu. Vraiment, vraiment pas des masses. Et encore, je sais pas vraiment si c'est de la repro, parce que les seules fois où je l'ai vu, c'est sur Gantz, quand justement il se déplaçait à côté de moi. Mais moi, j'en vois pas autour de ma main, j'en vois pas autour de mes armes. Donc, est-ce que c'est pas un petit problème de comment appeler ça, de connexion, enfin tu sais, de latence entre son personnage et ce qui m'apparaît, et du coup que c'est géré comme ça, de manière à ce qu'on voit pas de saccade, en fait, c'est géré un petit peu avec de la reprojection sur certains mouvements. Mais en l'occurrence, voilà, sur les ennemis, j'en ai pas vu non plus, donc je serais tenté de dire qu'il y en a pas. Voilà, c'est moi qui étais hot hein, quand on a fait le. C'est toi qui étais. Oui, tu es en elfe, oui, Gantz, ouais. Tu étais le plus hot. de la partie, effectivement. Cette blague de merde. Non, mais voilà, je me dis peut-être que ça peut jouer aussi sur, voilà, sur ça, sur, au niveau de la connexion, comme tu dis. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir de la reprojection. Hein. Moi, Bon, en tout cas, on sait c'est qu'on ça, ne jouera ouais. jamais avec la connexion de Laurent, en ayant Laurent en tant qu'hôte, bien entendu. Ok, bah écoute, je pense que c'est déjà pas mal. Alors il y a quand même, il y a pas mal d'armes, enfin pas mal de types d'armes disponibles. Ça on l'a pas dit. Il y a des épées, il y a des couteaux, il y a des masses, des haches. Il y a aussi de la physique avec les murs. On peut péter les murs. Les Des boucliers, des boucliers qui renvoient la magie. Des armes de jet, donc qu'on peut lancer. Voilà, il y a vraiment. C'est austère. C'est austère, mais c'est complet. Je sais pas si c'est vraiment des armes de jet, hein. C'est juste que je m'amusais à lancer mon épée en fait. Non, mais tu as des lances en fait que tu peux jeter aussi sur les ennemis. Donc voilà, effectivement. Alors moi je suis un peu du même avis que Sei, hein, pour le coup, même peut-être un peu plus rude, hein, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un jeu qui te demande de l'investissement. Mais tout est lent quoi en fait, tout est lent et lourd. Et il n'y a rien en fait qui te fait patienter d'une phase à l'autre parce que t'as rien à regarder hormis aller regarder tes prochains ennemis, hormis voilà, enfin tu peux délirer avec tes potes, etc. Mais c'est pas voilà, il y a pas grand chose en fait qui m'aguiche et qui me donne envie de patienter d'une zone à l'autre parce que très souvent voilà, c'est t'avances, tu zones, t'as des zombies, t'avances, tu fais ta mission, tu reviens, tu zones, t'as des zombies, enfin voilà, c'est. Le gameplay est basé uniquement sur du fight, hein. Il y a pas de, enfin du fight et du craft. Fight, loot. Puisque c'est vrai qu'on l'a pas précisé, il y a aussi une forge. Alors il y a une forge, il y a une création de potions, création de magie. Il y a une zone de recyclage, voilà, sur le camp, parce que il y a un camp en fait d'où on part quand on est plusieurs. Et sur lequel en fait tu peux faire toutes ces choses avec un feu de camp, et ce feu de camp te sert à restaurer tes points de mana et tes points de vie de manière assez lente, donc ce qui permet de se retrouver tous ensemble autour d'un feu et de discuter, de se rappeler de ces moments de combat épique. Des feux qui te permettent justement de restaurer ta vie et ton mana, ouais, tu l'as dit, hein. Et que ce que j'ai dit juste avant. Donc donc voilà, enfin, effectivement, hein, si on doit résumer le truc, c'est un jeu qui a un énorme potentiel de par ce qu'il propose et de par la capacité de personnalisation qui est assez gigantesque. Mais par contre, je pense qu'il y en a plus d'un qui vont être rebutés dès le début parce que voilà, comme l'a dit Gantz, la progression est relativement lente. Donc on n'est pas tous d'accord et mitigés. El Rocco, de mémoire, avait aussi émis quelques remarques sur son expérience. Est-ce que Laurent, tiens-toi par exemple, toi qui n'y as pas joué, qu'est-ce que tu en penses? Mais je l'ai même pas lancé en fait. Donc j'ai rien à dire. J'ai vu que par contre j'ai remarqué que Wizard Parole lui avait mis 9,7 sur 10. Pardon. Donc voilà. Après il n'y a pas que lui, hein. Il y a eu plusieurs influenceurs américains. Alors je ne sais pas pourquoi il y en a 3-4, ils ont balancé des notes de fou. Après ce que j'en pense, moi déjà j'ai entendu les glingling sur Dloss, déjà ça m'a calmé, et puis j'ai vu la gueule du trailer après Métro, ça m'a calmé aussi, voilà. Mais ouais, je le lancerai, je vous dirai dans la prochaine émission ce que j'en ai pensé. Ça n'a pas trop envie de le lancer en fait. Du coup, pour revenir sur les propos d'El Rocco, donc lui il revient sur l'inventaire, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, sur la gestion un peu calamiteuse de l'inventaire où c'est pas naturel. Déjà, comme on l'a dit, tout est en anglais. Donc, pour comprendre un peu, on va dire, tous les sorts. Alors, enfin, si vous pipez rien en anglais, c'est même pas la peine d'y penser aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'est quand même un des plus gros reproches que j'ai à lui faire, c'est qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, de Google Trad, de tout ce que tu veux, de ne pas proposer dans un jeu qui n'est absolument pas doublé, il n'y a aucun son de voix, il n'y a rien. Ce n'est que du texte, ne pas proposer une version française pour un marché français, quelle qu'elle soit, même s'il y a des fautes d'orthographe, même si Surtout qu'il y a la version le allemande. Minimum. Le minimum syndical, pour le coup, je trouve pas ça terrible. Et puis, mais apparemment, c'est pas le cas de la version PC, si j'ai bien compris. Ouais, la version PC est traduite. Elle est pas en français, la version PC, elle est en anglais, en allemand, en japonais, en coréen. Ah ben voilà, mais pas en français. Bon. Voilà, et puis c'est tout. Après, il regroupe un peu ce qu'on a dit. Alors, lui, il parle de 20 ans de retard aussi. Il parle d'un jeu PS2, donc bon, il exagère un peu pour le coup. Il exagère pas. C'est pas PS2 en fait, c'est PS3 ou Xbox 360. Sincèrement, ça dépend des textures. Ouais, c'est vrai. Il y a des trucs qu'on est peut-être pas loin de la PS2. Ouais. Tu prends le Demon's Souls, PS2. L'original sur PS3. Il est plus beau. Mais c'est un jeu solo, c'est pas un jeu monde semi-ouvert comme. Okay. Ouais, mais enfin, on est sur une PS5 qui doit être 40 ou 50 fois plus puissante qu'une PS3, quoi. Donc voilà, en tout cas, il a des bons retours, quoi qu'il en soit. Mais on est encore bridé par l'autonome, et c'est là où Laurent doit nous sortir son anecdote que ce jeu à la base est pensé pour le Quest. C'est pour les Quest 2. Ah oui, non, Quest 1 à la base. Quest 1. Le jeu, il a été. Le jeu, il est. Alors, moi, je me suis connecté au Discord des développeurs. Et c'est vrai qu'en fait, ils se sont fait charger pas mal quand ils ont annoncé le prix de $55. Notamment avec des joueurs canadiens qui se sont aperçus qu'en fait, au Canada, le jeu était pas à $55, mais ils avaient les taxes en plus. Donc, c'est là que le développeur a paniqué. Il a dit, mais c'est pas normal. Et si vous vous rappelez, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. On a eu des développeurs qui nous disaient que, en fait, quand ils annoncent le prix sur le PlayStation Store, il faut bien considérer que le prix qu'ils annoncent, il est hors taxe. Et en fonction des pays, après, la taxe, elle est rajoutée. Si c'est le cas, alors je suis pas allé voir, je sais pas, vous êtes. Le prix, il y est peut-être là maintenant. Si c'est le cas, s'il se prend les 20% de TVA, il va taper 66€, quoi. Et donc là, il s'est fait un petit peu charger par un bonhomme sur Discord. Et c'est là que le développeur lui a expliqué clairement en lui disant mais nous, ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus, c'est une petite équipe de 5 développeurs. Il est à 55€. C'est bon, il y a pas la TVA, c'est bon alors. Et sur Steam aussi. Et donc le mec lui disait pourquoi pas le mettre à 35€, parce qu'à 55€ c'est le prix d'un jeu qui est quand même beaucoup plus poussé que le vôtre. Et là, le développeur lui a expliqué que de toute façon ils avaient fait leur calcul et que financièrement pour qu'ils s'en sortent, enfin c'est un petit peu, on comprenait que derrière il y avait vraiment un souci, c'est qu'ils avaient estimé que ce prix-là était le bon. Et c'est là que le mec, en l'écoutant, il a dit mais pourquoi vous essayez pas de le sortir sur Quest? Et le développeur a répondu, mais le jeu à la base, alors la personne lui a dit, mais votre jeu, est-ce qu'il tourne sur Quest? Et le développeur lui a répondu au tac au tac en lui disant, mais bien sûr qu'il tourne sur Quest, parce qu'on l'a développé à la base pour le Quest 1. Bien sûr, cette version Quest 1 devait être complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui, mais entre-temps, ils l'ont améliorée. Parce que c'est quand même 4 années sur le petit studio de 5 personnes. Meta a refusé, enfin Meta à Quest 1 à la base c'était Oculus, a refusé son jeu. Après coup, il a essayé de le rebalancer sur le Quest 2 et Meta lui a refusé le jeu. Lui, par contre, ne sait pas pourquoi il a été refusé. Il a même dit dans son discours sur Discord qu'il avait supplié Meta de prendre son jeu et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas pris. Mais pourtant, malgré ça, Meta l'a refusé. Et c'est de là qu'il a vu qu'il ne pourrait pas le sortir sur Meta, qu'il a décidé de le balancer sur PSVR 2 et sur PCVR, en espérant que le fait qu'il les balance sur ça leur donnera suffisamment de visibilité pour que Meta l'accepte sur le Quest 3. Et ça fait un moment qu'il est sorti sur PC en version bêta, en early access. Voilà. Début 2023. Donc, du point de vue du studio, il ne sait pas pourquoi ça a été refusé par Meta. Ils vont refaire une tentative, mais ils ne comprennent pas pourquoi à chaque fois ils sont refusés. Et il a bien dit que, il a bien précisé qu'il espérait que la visibilité maintenant sur PCVR et sur PSVR 2 permette de passer cette porte de chez Meta. Par contre, je ne comprends pas pourquoi Meta l'a refusé. Et c'est un jeu qui aurait tout à fait sa place, effectivement, techniquement et au niveau du gameplay sur un casque autonome, parce que comme je disais, en fait, même sur PSVR 2, en fait, le plaisir c'est d'y jouer debout et puis d'esquiver un petit peu, et le gameplay pousse justement à ce genre de position, donc ça aurait carrément sa place sur Meta. Ouais, mais même si graphiquement il est pauvre, quand tu vois tout ce qu'il y a à générer, tu vois, en équipement, en bestiaire, la taille quand même des maps, parce qu'on s'est baladé, elles sont quand même Elles sont assez assez conséquentes. vastes, ouais. Je suis pas Alors, convaincu je que sais pas cette si je sais version-là, pas si c'est que elle passe sur autonome. je sais pas si c'est que les maps sont grandes ou si c'est que le personnage est particulièrement lent, parce que Ouais, bah ça fait c'est ce que aussi vous avez trouvé, c'est ce que vous avez ça donne trouvé, aussi mais moi l'impression de grandeur, le fait que t'avances pas ouais. vite, mais Bah, je trouve pas ah si lent oui, que ça, hein, après. il y a un petit souci au niveau du rapport d'échelle aussi, je trouve. Oh, j'ai pas trouvé moi. Ouais, si, dans les Dans escaliers, les escaliers, ouais. certaines tables et tout, que je trouve un peu disproportionné par rapport à nous, à notre taille, Les quelques au tables qui se personnage, quoi. baladent par-ci, par-là. Voilà, donc ça souffle un peu le chaud et le froid. On Ouais. n'est pas tout à fait d'accord. On est d'accord sur le fait qu'il y a des possibilités, mais Gros potentiel. On est Voilà, d'accord que enfin. ça vaut pas 9,7 sur 10. En tout cas, Non, ça vaut par pas ça, contre, et ça vaut pas exactement. non plus 55 boules. Ça, c'est sûr aussi. Ouais, Et ça, après, c'est toujours pareil. Ça dépend du temps. ça Ça dépend vaudrait du temps de combien? travail sur le Ça vaudrait jeu. combien du Ouais. coup? Moi, je le verrais bien à 29 Pas Ouais, en, pas en prix en, pas en prix je en dirais note. 30. Ah, en note? Ah, on note. Ouais. Ouais, bah, faudrait l'avoir terminé, 5, en 5, termes de 5 en durée de vie, solo, tout ça. en tout cas à vue de nez, hein, mais Wow. vraiment c'est au pifomètre, 5 en solo, 7 ou 8 avec des potes. Ah oui, quand même, autant que ça. Ah, 8. Ouais, parce que je pense que franchement il y a un gros potentiel justement. Si le moteur Oh. physique était foireux, s'il était perfectible, s'il n'y avait pas cette course au loot, et puis cette petite ambiance quand même Diablo moi, qui me plaît bien, il y aurait. Tu sentirais que voilà, y a rien à creuser dans le jeu. Là, je pense que quand même, il y a un petit truc. Rien que le fait d'avoir du craft, d'avoir justement cette physique, moi, perso, pour le peu Ouais, que mais j'ai vu, en tout cas, qui m'a vraiment bluffé, et qui m'a. Ouais, mais y a pas d'ambiance, quoi. Ouais, mais l'ambiance. Bah, t'es en VR quand Non, même, mais hein. c'est une ambiance justement qui te fait repenser à des vieux jeux, justement, que tu as peut-être connus Ah, c'est un comme hommage, donc. du Diablo. Ouais. Si t'es pas Ah, c'est du rétro gaming, quoi. mais si t'es pas sensible à ce genre de choses, complètement. Si t'es pas sensible à ce genre de choses, eh ben, bah oui, tu passes à côté de l'ambiance, quoi. Ouais, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne sur toi et sur moi aussi. Et c'est ça, et que ça fonctionne Voilà. pas sur Majo, et c'est Toi, tu vois vraiment le compréhensible. côté Diablo. Moi, je vois quand même le côté vraiment du Demon's Demon Souls. Soul, ouais. Quand tu vois ce pont au loin là sur le démarrage, voilà, moi ça m'a fait ça quand je vois les premiers zombies, Comme on dit, hein, l'espèce de. c'est un jeu qui s'investit. C'est pour ça, foutre une note bête et méchante dessus, c'est très compliqué, quoi. En solo, en tout cas, c'est clair qu'on, si vous n'avez pas de potes, si vous n'êtes pas abonné au PSN ou quoi que ce soit, non, ça vaut pas le coup. Ah puis oui, de toute façon, si le genre déjà Dark Fantasy Plaît pas. vous plaît pas, c'est pas la peine. Voilà. Ouais. Moi je si ça me paraîtrait un peu dur vu l'investissement et et la profondeur voilà de comme on disait de loot et de capacité d'amélioration du personnage mais j'irai pas plus pas au-dessus du 7 ça mérite pas Pas plus 9, pas 9, 7 en tout cas. Sur 10. voilà ouais Donc non certainement 7, bah non parce que 7 en qu'est-ce que Ligue tu mets B, au-dessus à ce niveau-là enfin 7 en Ligue B 7 en donc, ligue ou Ouais, C. 7 en Ligue B, ouais. Non, B. Bah, ils sont 5, hein. Ah oui, mais Red Matter 2, Bah, ils sont 4. La Ligue C, Bon. c'est 1. C'est 1 de développeurs, quoi. Ouais. Bon, enfin, du coup, voilà. Avis mitigé. Bah, pareil, hein. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé Mitigé. si vous l'avez testé. Pardon. Mitigé plus optimiste. Fort potentiel. Ouais, pour vous, Potentiel. alors. Pour vous, pour moi, un peu moins, quand même, mais... Pour l'instant, sur le Ok. store, il y a 16 avis et il a 5 étoiles. Donc il a 10 sur Impeccable. 10. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est à Vu contre-courant, que le on studio sont devrait... qu'à 5, ils ont peut-être dit à 11 Tu amis crois? de venir. Ils ont demandé à leur tante, à Parce leur que maman, leur petite sœur. là, depuis 18 minutes qu'il est sorti, Ouais. ça paraît Ok, quasi bon, mais parfait, exclusif. Les Voilà. mecs, ils Ils ont ont passé joué 18 minutes le et ils ont tuto. déjà mis 5 étoiles. Ils ont passé le tuto. Merci, C'est merci Osiris messieurs qui a pour. voté. Et on lui fait des bisous à Osirix. Non, moi. Merci messieurs du coup pour cet avis fort éclairé sur un jeu sombre qui est Legendary Tale. Du coup, le prochain sujet devait être Xbox, mais on a parlé de ça directement. Donc, J'ai envie de vous dire qu'on en a terminé pour le programme. Alors, je voulais parler Allez, salut. De. Je... Ah, dans deux semaines. Je voulais parler de. Comment ça s'appelle oh, j'ai oublié. Cooking VR Simulator que j'ai testé rapidement. On n'en fera pas le test. Achever, là, c'est bon. Comment ça? Tu ne fais pas de test? Non, parce que. C'est gentil. Alors, pour info, je travaille dans la restauration. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu tester ce jeu, voir jusqu'où ils avaient poussé le délire. C'est plutôt pas mal. Maintenant, ça reste du gimmick. Et j'ai été assez surpris de la réalisation des aliments qui sont reconnaissables au premier coup d'œil pour certains et plus difficilement pour les épices quand même. Il y a des images, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été les chercher. Mais voilà, c'est plutôt rigolo. C'est un jeu mignon. C'est dans la lignée d'un Job Sim. C'est très propre, pareil. J'ai voulu aussi le tester parce que c'est un jeu qui est super samplé et qui proposait plus que la résolution du casque en natif. Plus que la résolution du jeu dans le casque en natif. Donc du coup, voilà, j'étais curieux. C'est plutôt propre. Il n'y a pas de flou. C'est très net. Voilà, c'est un jeu qui, pareil, a un petit côté personnalisable où tu peux customiser ta cuisine dans laquelle tu évolues. Mais voilà, ça reste un jeu à gimmick dans la lignée des simulateurs. Et puis, quitte à nous faire un simulateur, moi je rêverais d'un farming simulateur VR. Ça serait formidable et en plus c'est d'actualité comme on dit. Voilà. Donc pour farming simulator terminer, X Autobahn simulator. ça serait pas mal effectivement. Ça rappellerait des bons souvenirs. Et est-ce que t'as réussi à faire péter la cuisine, en fait? Non, j'ai pas essayé. Non, je suis resté vraiment très... je suis resté très pro. Je voulais vraiment tester le truc. Et je te dis, c'est plutôt sympa. Enfin, c'est des recettes qui sont à réaliser. Tu fous ça sur le pass. Tu l'envoies, t'es noté. Tu reçois un pourboire ou non. Et avec ce que tu récupères comme argent, tu peux faire la recette suivante en achetant des aliments, tout en sachant que tout ce que tu prends, en fait, te coûte de l'argent. Et le but du jeu, c'est de pas gaspiller aussi, puisque sinon... Tu t'en sors pas, donc enfin bref. Toi, voilà, après une journée de taf, c'est plutôt rigolo. Qu'est-ce que tu fais Cooking Sim, qui est exactement ton taf en fait. Donc c'est. Ouais, pas tout à fait, mais voilà, je voulais voir jusqu'où ils avaient poussé le délire et bon, je trouve ça quand même rigolo. Si vous aimez un peu faire la cuisine et que vous n'avez pas l'occasion de le faire chez vous, là au moins c'est bien. J'allais dire là au moins c'est bien, il n'y a pas besoin de nettoyer, mais si, il faut quand même faire le ménage. Si jamais tu fous de la soupe par terre, il faut aller chercher la serpillière pour nettoyer, enfin bref. Du coup, voilà, c'était le petit passage Cooking Sim. Et je voulais terminer donc avec l'actu du moment VR, XR, Air Computing, ou comme on l'appelle, le casque des vendus. Petite dédicace au salon Le Coin des Pommes sur le Discord. Voilà. Je voulais parler de l'Apple Vision Pro et du battage médiatique que ça fait. Et un petit peu avoir votre avis. Alors, pour rappel, le casque n'est disponible qu'aux États-Unis pour un prix, pour la modique somme de $3,500 hors taxe. Et avec tout un tas de fonctionnalités diverses et variées. Et surtout, en fait, ce qui est très impressionnant, c'est le retour médiatique, en fait, où tout le monde en parle aujourd'hui. Et je trouve ça plutôt bien, et surtout c'est la réception, en fait, puisque bon, c'est un casque full autonome pour ceux qui seraient passés à côté, mais qui permet de vivre au quotidien, en fait, avec sur la tête dans son environnement. Alors un peu à l'image de ce que peut proposer le Quest Pro, le Quest 3, mieux que le Quest 2 et aussi le Pico 4 dans une moindre mesure. Mais c'est quelque chose qui, visiblement, est poussé encore plus à l'extrême. Alors, toi, Sei, qui est un Quest 3, je me rappelle que le pass-through est plutôt propre, on va dire, en deux journée. Jours. Un peu moins de nuit, mais là, visiblement, on est quand même passé, alors malgré certaines critiques qui semblaient dire qu'on était encore un peu en dessous de ce qui était attendu, du moins, donc c'est toujours pareil, hein, les attentes hein, c'est juste de pas avoir de trucs devant les yeux, en gros, et de pas avoir les limitations d'une caméra. Et du coup, voilà, la réception est plutôt bien faite, on va dire, de ce qu'on en voit, du moins sur les réseaux, hein, parce que bien entendu, c'est le seul point qu'on ait de tout comparaison relatif, et de réception de tout hein. ça. Tout est relatif. Mais la réception, d'un point de vue extérieur, en tout cas, des gens qui voient ça de l'extérieur, semble être plutôt bonne, et les retours aussi sont assez dithyrambiques. Je dirais pas ça. Bah, de ce que j'en lis, sont assez dithyrambiques sur pas mal de sujets. Mais là où je suis plutôt surpris, on va dire, sur le traitement qui est fait à ça, c'est-à-dire qu'on s'extasie d'un truc, de pas mal de fonctionnalités qui existent déjà en fait chez la concurrence. Mais là, il y a une pomme. C'est ça que je là, trouve un peu. Là, il y a une pomme placardée dessus, donc c'est pas pareil en fait. Moi, enfin. Pour donc, donner vraiment. Bah, essaye, vas-y, commence du coup. Très succinctement, en fait, mon avis, en fait. J'ai pas d'avis, en fait, sur le casque, techniquement, parce qu'on n'a pas eu la chance de l'essayer, clairement. J'ai l'impression que, même si au niveau de toute la partie logicielle et au niveau de la partie hardware, il y a quand même la qualité Apple qui est indéniable, et je pense qu'ils doivent très très bien fonctionner sur ce casque, le Vision Pro. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le traitement médiatique en fait de ce truc-là, et pas uniquement de la sphère journalistique classique, qui quand même reprend les choses, parce que dès lors que tu as un produit qui a du succès, forcément, histoire de faire de l'audience, les journaux commencent à rentrer un petit peu dans ce, dans le mood complètement, histoire de faire du clic. Exactement. Voilà, et c'est aussi l'image que tu as sur internet, sur voilà des vidéos buzz sur les réseaux sociaux, etc. On rentre complètement dans le domaine, pour moi, de l'idiocratie totale, c'est-à-dire que on en parle parce que c'est Apple, on te montre des mises en scène de gens qui sont vrais ou qui sont pas vrais, est-ce que c'est des gens qui bossent chez Apple, est-ce que c'est véridique ou quoi que ce soit, qui sont au restaurant avec leur Vision Pro sur la gueule, qui sont dans le métro avec leur Vision Pro sur la gueule, qui sont en train de montrer comment fonctionne le Vision Pro devant des gosses, qui sont en train de conduire leur Tesla avec leur Vision Pro. En gros, on est en plein justement dans une espèce de communication faite d'images qui sont peut-être véridiques pour certaines, mais en tout cas, moi, je pense que c'est juste une question de paraître, parce que c'est Apple, et comme tu disais tout à l'heure, ce sont des technologies qui existent quand même depuis un moment. Le cloud computing, c'est pas quelque chose qui en VR, c'est pas quelque chose qui a été inventé par Apple, hein, c'est un truc qui a été amélioré. Alors, à ce niveau-là, par Apple. À ce niveau-là. Et en gros, alors, c'est le buzz. Le buzz amène le buzz. Je pense que là, on va encore se taper quelques mois de vidéos complètement surréalistes de gens d'utilisation de casques à la Ready Player One qui ont rien à voir avec ce qui est faisable concrètement avec un casque de réalité virtuelle. Et ça, on le sait, on est bien placé pour le savoir. Ou d'AR, parce que c'est principalement. Enfin, c'est du XR en fait, le Vision Pro. Et donc du coup, plus ça va en parler, plus ça va faire des vues, et plus ça va pas forcément expliquer en plus ce que c'est que l'AR ou la VR à des gens qui n'y connaissent rien. Tant que t'as pas le casque sur la tête, et ça on le répète encore, tu ne sais pas ce que c'est que les possibilités de l'AR et de la VR. Là, on va juste avoir des gens qui se mettent en scène avec leur casque à la con qui ressemble à des lunettes de ski dans des situations complètement... Ce qui a quand même son importance, c'est justement, je me suis fait la remarque, juste termine. Donc il est sorti en hiver. Il est sorti en hiver pour le. Et je pense, non mais mine de rien, je pense que ça a son importance parce que couplé à une doudoune, si c'était sorti cet été, je pense que effectivement le résultat aurait pas été le même. Est-ce que la réception aurait été pas la même? Forcément non. Mais t'as complètement raison. Et donc du coup, on va en trouver de plus en plus. Les médias vont en parler de plus en plus. Les excès vont commencer à arriver parce que il y a des gens qui réfléchissent pas vraiment, qui voient justement leurs influenceurs préférés en train de faire des conneries, donc ils vont refaire les conneries. C'est le système un petit peu la boule de neige, l'effet boule de neige en fait qu'il y a sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a un gars qui fait ou une meuf qui fait une connerie, ben en fait le truc va être copié, recopié, re-recopié, amplifié, etc. Le bon côté, c'est que ça va permettre de démocratiser un petit peu la vision de la réalité virtuelle et de l'AR dans la tête des gens, sans forcément leur expliquer ni pour expliquer vraiment ce que c'est. Alors, c'est le... Ça l'est déjà, c'est le bon côté. Je vais revenir sur ce qu'on disait. Je parle de l'image et le mauvais côté. L'impact que ça a. Attends, juste je vais revenir sur la déclaration faite par Yves Guillemot d'Ubisoft tout à l'heure, qui a quand même calé le Vision Pro dans sa déclaration, alors qu'il est sorti il y a une semaine. Voilà. Donc ça, c'est le bon côté, c'est que ça va montrer que la VR, ça existe, ce que c'est à peu près. Ça va peut-être permettre à certains adhérents à la secte Apple de s'y intéresser un peu plus profondément et un petit peu plus intelligemment. Je pense qu'aussi il va y avoir énormément de dérives, énormément de contre-vérités sur la VR et sur la AR, que ça va... Les gens n'ont pas forcément le recul critique nécessaire pour faire... pour partager le bon du mauvais dans cette technologie. Il y aura des excès, il y aura de l'amplification du phénomène, il y aura des médias qui commenceront et qui commencent déjà à parler de la VR et du Vision Pro en dépit du bon sens, totalement. Et voilà, je pense que là, on est en pleine idiocratie, en pleine hype débilisante, qui peut faire du bien comme ça peut vraiment faire du mal. J'attends de voir. Pour le moment, on est à une semaine de la sortie. On verra ce que ça donne, quoi. Voilà mon avis. Ok, bon. Merci, merci mon petit C pour cet avis plutôt pessimiste pour le coup, toi qui nous taxais de... Non, de, pas forcément pessimiste. Pessimiste pas tout forcément, à l'heure. En fait, c'est pas la technologie qui me, que je trouve, enfin, qui m'inquiète. Non, c'est la réaction des gens. Des gens. Ouais, on a bien compris. Enfin, bon, c'est clairement un effet de mode. C'est un effet de mode et justement, et moi c'est l'effet des réseaux sociaux et là-dessus je suis extrêmement pessimiste. C'est l'accessoire à ça, avoir. Ça c'est clair et net. Je pense pas que ce soit la bonne méthode pour présenter intelligemment quelque chose en tout cas. Oui, voilà, effectivement, de ce côté-là, je suis extrêmement pessimiste. Alors, du reste, bon, de ce que j'en ai vu, personnellement, je trouve pas. Après, c'est toujours pareil, c'est que ça dépend qui, quoi, comment, qui tu regardes ou ce que tu regardes, et on va dire l'intérêt que tu portes à ce que tu peux voir aussi sur les réseaux sociaux avec un minimum de jugement, enfin, d'interprétation et d'analyse de ce que tu vois. J'irai pas jusqu'à dire que. C'est un mauvais effet en fait. Alors, sortie de ceux qui conduisent avec, etc. Et encore, quoique, je serais curieux de voir ce que ça rend, parce que si ça se trouve, c'est pas déconnant. Le problème, c'est que si ton casque il plante, tu vois plus rien. Et là, effectivement, on est sur quelque chose d'un peu plus dangereux. Mais par contre, comme tu disais, c'est Apple. C'est-à-dire que ce sont des technologies qui existaient déjà, mais en mieux, finalement. Et mais sur beaucoup d'aspects, sur l'aspect physique, matière, réalisation du matériau, sur toute la technologie qui est à l'intérieur, et d'ailleurs la fameuse chaîne dont on parle souvent, iFixit, qui a fait enfin le démontage d'un Vision Pro de A à Z, donc si ça vous intéresse, c'est disponible sur leur chaîne YouTube. On voit quand même qu'il y a des trucs qui sont relativement chiadés, qui justifie plus ou moins le prix, ça je vous laisserai parce que je suis pas assez calé là-dedans pour émettre un avis, mais bon, qui semble quand même justifier le prix de vente. Et je trouve quand même que, pour l'instant du moins, ça renvoie une bonne image de ce qu'il est possible de faire en VR. Ça peut vite glisser. Malheureusement, ça peut vite glisser, ça a déjà glissé. Ça fait 10 ans que ça glisse, donc ça peut pas plus glisser que ça ne glisse déjà. Donc je trouve que c'est un beau mouvement, on va dire, de remise en avant de la technologie. Ce que je regrette cependant, c'est qu'il y a zéro notion de jeu vidéo au sein du Vision Pro, hormis la possibilité de jouer en écran géant avec une PS5 ou avec une Xbox, je sais pas si je crois que les deux sont aussi, il me semble. Mais enfin la démo que j'ai vue, du moins c'est avec une PS5, j'ai pas vu la démo avec une Xbox. Voilà, mais il n'y a pas de notion de VR gaming tel qu'on en parle depuis des années et tel que nous on l'évoque et comme on souhaiterait qu'elle évolue. Voilà. C'est plus cette partie-là où je serais un peu plus sceptique. Et puis voilà. Gantz, est-ce que tu as un petit truc à nous dire là-dessus? Est-ce que toi, il te fait envie ce Vision Pro? Est-ce que tu as déjà préco? Est-ce que tu as envoyé le chèque en blanc à Apple, ouais, si, plus ouais, la douane, plus... C'est bon, un petit mois de salaire, puis on n'en parle plus. Ah oui, monsieur gagne ça quand même. C'est de l'humour, bien sûr. Non, ouais, moi clairement, je suis qu'un simple gamer. Et comme tu l'as justement dit, voilà, aujourd'hui, pour moi, ce casque il n'a pas l'attrait gaming. Donc voilà, pour tous les aspects techniques, je pense que Laurent va nous faire un petit cours, un petit exposé. Ah ben là depuis tout à l'heure, il est concentré. Ouais, je pense qu'il est en train de relayer toutes les informations. Il a tout récupéré. Effectivement, ce que tu dis est très vrai. Il n'y a pas de notion de gaming dessus, comme je disais. Et surtout, la majorité des conclusions que j'en ai eues, c'est ce casque est fait pour, en gros, du multimédia. Regarder un film, lire des articles internet, ce genre de délire. Et clairement, bon, ce sera pas dans mon budget, donc je pense que je ne pourrai jamais me l'offrir. Donc, Un petit croom sur 20 ans, ça va. Non, voilà, ce sera pas dans mes priorités de budget. Donc, J'espère que ça va marcher quand même. Oui, voilà, si parce que j'espère pas, aussi, putain. C'est ça, c'est que si ça, marche c'est, pas, voilà, c'est que ça puisse porter quand si même ça, la VR. Exactement, voilà. Si ça marche pas, c'est la fin. Voilà. Ça qui m'inquiète. Bon, ça fait 10 ans qu'on dit ça, si ça marche pas, c'est la fin. Si ça marche pas, est-ce que la fin n'est pas déjà là depuis le lancement du truc? De toute façon, il y a les détracteurs, ça prend pas. Souvenez-vous, Canard PC, le cercueil sur la VR, si Canard PC ça marche pas. Fin... Ah non, Canard PC, oui. D'accord. Coin. Ah, il est où? Et donc du coup si ça marche pas, est-ce que ça sera vraiment la fin? J'en sais rien, parce que encore une fois, ça dépendra des attentes, parce que là c'est de la VR multimédia, c'est pas de la VR gaming. La VR gaming galère un peu, elle a ses raisons et on sait pourquoi. En plus, c'est principalement de l'AR, l'utilisation justement que tu vois des gens, enfin ce qui est montré en tout cas, les gens au resto, l'utilisation c'est vraiment computing, de l'AR qui en fait c'est vraiment de l'AR. Ça a toujours été de l'AR pour rappeler. T'as ton environnement, ouais, c'est optionnel. C'est de l'AR qui se transforme en VR, dans le sens où tu peux soit ouvrir, soit fermer ton environnement de manière assez simple. Je pense que, en tout cas, comme présenté le Vision Pro, les fonctionnalités VR, ça correspond à 10-15% en fait de l'utilisation de ton casque. Ah oui, bien sûr. Mais tu n'as aucune interaction avec un objet. Ouais. C'est qu'au doigt. T'as pas de contrôleur, tout ça. Tu peux pas te déplacer hormis physiquement. Mais par contre, l'aspect de pouvoir bloquer une fenêtre à un endroit, de te déplacer en même temps, de pouvoir faire ça dans le train, comme dans l'avion, sur Quest, tout ça. Quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est des fonctionnalités qui existent déjà, mais qui sont, on va dire, affinées, peaufinées, parce que sublimées. Ça fait des années quand même que Meta travaille sur la le N-tracking. Le N-tracking, merci. Là, ça a l'air quand même de fonctionner. On va dire quasi au poil de cul, parce qu'il y a quand même pas mal de démos où on voit les mecs qui font ça plusieurs fois pour agrandir le truc, ça réagit pas trop. Donc bon, il y a certaines mises à jour, et surtout, on n'a pas parlé aussi des applications qui refusent, ou qui ont refusé et qui reviennent sur leur refus de développer des applications natives pour ce Vision Pro. Notamment Netflix, je crois qu'il n'a pas voulu, et YouTube, qui sont disponibles via Safari, donc le navigateur internet d'Apple, mais qui ne possèdent pas d'application native comme sur un smartphone ou comme sur un Quest d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a une appli YouTube sur Quest. Mais Google est revenu un peu sur sa décision là-dessus, en précisant qu'ils allaient finalement YouTube faire quelque arrive. Chose. Mais ah oui, mais ils savent pas par contre s'il y aura l'intégration des vidéos. Ah non, pardon, c'est sur Safari, tu as pas les vidéos 360 degrés et tout ça, t'as pas accès à tout ça. Mais par contre, l'application arrive, ouais, c'est ça. Et du coup, Lolo, alors est-ce que tu as fini ta lecture? Oui, je regarde plein de trucs. Alors déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Toutes les applications iPad sont compatibles. Faut savoir qu'il y a 250 applications qui sont nativement pour la VR/AR. Apple, ils ont une force de frappe. Excuse-moi, mais Apple, ils ont une force de frappe avec ça. Ah bah c'est là-dessus que ça va. Là, ils enterrent Meta compatible. Alors pour vous dire, en fait, Apple, on toutes les applications iPad. Donc je vous parle de 1 800 000 applications. c'est pas 600 applications dans un carton, sont d'office, fonctionnent sur votre, donc n'importe quel jeu de iOS, n'importe quelle application marchera, sauf si le développeur a refusé de la mettre. Donc il y a 307 739 applications qui ont été refusées par leurs développeurs sur l'Apple Vision Pro. Alors bien sûr, ça a fait les gros titres. Les mecs, ils ont dit 307 736 applications qui ne marcheront pas sur le Vision Pro. En réalité, il reste 1 400 000 applications en tout qui sont compatibles. Donc au niveau des applications, c'est clair que quand Apple présente son truc comme un ordinateur... je ne sais plus comment, virtuel ou un ordinateur spatial. Spatial. En gros, la force du truc, c'est que c'est vrai que ça coûte 3000 balles, mais l'autre truc, c'est que derrière, eh ben, tu as 1 400 000 applications que tu peux retrouver sur ton téléphone. Hein, mais en tout cas, tu as tout ça dans le casque. Après, ce n'est pas un casque gaming. Apple, de toute façon, ça n'a jamais été des ordinateurs où on joue aux jeux vidéo. Donc, c'est vraiment un espèce d'iPad virtuel dans lequel, parce que ça va... À l'intérieur, c'est quand une puce M2. Donc, c'est les premières puces M2 à 8 cœurs. Donc, c'est en gros, ça correspond à deux fois la XR2 du Quest, quoi. Du Quest 3. Donc, c'est quand même plus puissant. Ensuite, tu as des écrans micro LED qui coûtent une couille. Donc après, le prix, un Apple Vision Pro, ça coûte à fabriquer environ 1 750 $. Un rein, un bras plus une couille. Non, juste sortie usine, sans compter le marketing et sans compter la publicité, ça coûte 1 750 $. Donc là-dessus, il y a la recherche et le développement à rajouter, il y a le packaging, il y a la publicité, marketing. Le marketing. Donc ils margent, hein. Apple, c'est pas du genre à vendre des casques ou à vendre du matériel, mais ils doivent bien se faire 1000 balles par casque, ça c'est sûr. Ensuite, le truc, techniquement, moi j'aime beaucoup la batterie déportée, de pas avoir cette batterie sur le casque. Quelle horreur. Parce que je suis assez d'accord. Parce que justement, tu peux. Le casque, il est. Tu la mets dans la poche. À mon avis, il est gourmand. Elle est faite pour être mise dans ta poche. Ah non, ça c'est top. Ça c'est top parce que quand tu vois qu'un Quest ça tient 2 heures, qu'un Quest Pro ça tient 2 heures. Alors attends. Ça tient 2 heures aussi, un Vision Pro. Oui. C'est pareil, la batterie elle fait 3300 ou 3500 mAh. C'est intelligemment pas finir. Excuse-moi. C'est pas finir. Ah oui, mais tu dois pouvoir en acheter une autre à 800 euros qui fera 5000 mAh. Le fait de l'avoir déporté, ça veut dire que tu peux mettre n'importe quel type de batterie dans ta poche de jean à l'arrière et avoir une batterie qui te fait se tenir 4 heures ou 6 heures et ne pas l'avoir sur le casque parce que ce qu'il faut, le Vision Pro, il va bouffer l'énergie plus vite qu'un Quest Pro ou qu'un Quest 3 parce qu'il est, rien que les écrans, déjà, il faut les faire tourner. Donc, revenir, il a besoin d'une plus, il a besoin d'une plus grosse batterie. Ah bah après, ça dépend parce que les batteries, là, ils ont déposé des brevets sur des batteries carbone lithium qui se rechargent en un quart d'heure et qui vont avoir des capacités multipliées par 10. Donc, ils vont revenir parce que. Si tu recharges en un quart d'heure, il te faut quand même une prise à proximité. Le but d'un truc aérien. Non, mais c'est pas que ça. Le plus longtemps possible. C'est la durée de vie des batteries. Donc le jour où elles seront plus petites, bien sûr qu'ils vont les intégrer dans le casque. Ça va pas rester éternellement. Par contre. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que la plupart du temps, les gens attaquent. Alors déjà, Tim Cook, au départ, il a toujours dit qu'il ne croyait pas en la VR. Il a toujours dit qu'il croyait en l'AR. Mais le problème, c'est que techniquement, il ne pouvait pas sortir des lunettes en AR parce que la technologie n'est pas encore au point. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce casque-là. Mais leur objectif, après, c'est des lunettes, des Ray-Ban avec Apple et que tu puisses avoir un ordinateur comme ça. La plupart des testeurs qui ont essayé de regarder des films sur des écrans dans le casque ont dit que c'était vraiment très très propre. Après c'est sûr qu'il y a forcément, il doit forcément y avoir des défauts. Après et puis surtout, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est on a tendance parce le que défaut, le défaut. Le défaut, il y a le confort déjà qui a été remis en question. Oui, mais là, je ne sais pas si sur le marché, par certains et je sais pas si sur et le marché, par il y a, d'autres. Je ne sais pas si sur le marché, il y a un casque qui est confortable aujourd'hui en fait, parce qu'on a tous le PSVR. Le PSVR, le PSVR 2, la plupart, on a acheté le Globular. Du premier. Sur Quest, ils changent les sangles aussi. Le Quest Pro, c'est pas mieux. Sur Quest, excusez-moi, mais ils changent tout. Ils changent les sangles, ils changent le son, ça change les batteries, alors, ça change tout. Je veux dire, ça met des batteries alors, plus. Voilà, par contre, c'est sûr que payer 3500 balles ou même plus, parce qu'avec des lentilles, si tu as des problèmes de vue, si tu veux être à plus à 3700 balles, et que tu n'aies pas un truc qui soit parfait tout de suite, là-dessus, franchement, pourquoi pas quoi. Ils ont raison. C'est vrai que normalement, tu devrais avoir un truc parfait tout de suite. Ensuite, il se fait beaucoup attaquer sur son prix. Moi, ce que je veux rappeler aussi, c'est que le tout premier four à micro-ondes qui est sorti, il coûtait 35 000 dollars. Le tout premier. on n'est pas sur le premier casque VR non plus. Oui, mais je veux dire, de tout temps, dans toutes les technologies, il y a toujours quelqu'un qui va balancer le concept, le truc qui va douiller. Je parlais la dernière fois du téléphone dans les voitures, dans les BMW, dans les années 80, début 80. Tout le monde le crachait à la gueule, le mec qui téléphonait de sa voiture, il se faisait cracher à la gueule. Sale riche, putain, il se la pète avec son téléphone dans la voiture. Aujourd'hui, on a tous des portables, on le fait naturellement, on a tous des micro-ondes. Les technologies qui sont embarquées là, si elles peuvent faire avancer les casques de demain qui seront peut-être à 400 €, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils se plantent en fait. C'est pas quelque chose qui est prévu. Ce casque-là, ça va être la tendance sur la jet set ou sur tous les grands acteurs américains hollywoodiens qui vont tous avoir leur. En plus, ça cachera leur visage, comme ça on ne les reconnaîtra pas, c'est encore mieux. Ils vont se balader, ils vont se faire suivre par des magazines de presse, ils vont faire le buzz. Mais je dirais que c'est un peu comme la haute couture, il faut que ça passe par là. Pour que ben, les gens, eh ben, oh, putain, je suis fan de cette chanteuse, je l'ai vue avec un Apple, oh, qu'est-ce que ça me fait rêver, ah, je ne peux pas m'acheter l'Apple parce qu'il est trop cher, je vais me prendre un Quest 3 ou je vais me prendre un PSVR 2, juste pour faire le kéké dans la rue. Mais il faut passer par là pour que ça se développe quelque part. Et si Apple se plante, déjà Ubisoft, on a vu tout à l'heure qu'ils n'étaient plus trop chauds, il n'y a plus beaucoup de monde qui sont trop chauds. Alors si en plus Apple se laisse tomber, il ne reste plus que Meta, et à mon avis, ce n'est pas une bonne chose, quoi. Ouais. Donc moi ce que j'aurais aimé sur ce truc là c'est qu'il pousse la puce encore plus haut, donc du M2 Ultra avec des trucs qui tapent je sais pas moi 20 teraflops en autonome. Et là par contre est-ce qu'il n'y a pas un problème de refroidissement après du coup? Ouais, le souci c'est que ça chauffe parce qu'ils avaient il me semble qu'ils avaient déjà eu, enfin, du moins c'était les soucis qui avaient été évoqués avant que le casque sorte, c'est qu'ils avaient des problèmes pour maintenir une température stable au niveau de l'APU du casque. C'est ça. Et après, à l'usage, il faut surtout pas. Le problème, c'est l'amalgame qu'on fait avec cet Apple, c'est que la plupart du temps, les gens croient. Ils confondent tout en fait. Ils vont confondre un Quest 3, ils vont confondre un Apple Vision, ils vont confondre un PSVR 2. Pour eux, c'est des casques. Ils voient pas que chaque. À juste titre. Ben oui, mais sauf que chacun a une cible et un marché différent. Comme aujourd'hui, t'as un téléphone de plusieurs marques, mais ça reste un téléphone. Non, parce que chaque téléphone. Enfin, smartphone. Chaque smartphone va correspondre au même public en fait. Un mec qui a besoin d'un téléphone et qui a besoin d'applications, soit iOS, soit Android. Là, le type qui va acheter ça, c'est par exemple le mec qui veut acheter un Mac à 4000 boules. Et qui va se dire bon bah là j'ai le choix entre acheter mon Mac ou acheter et on sait qu'un ordinateur sur 10 dans le monde est un Apple quand même. Donc le mec il a le budget pour acheter ça, il va se dire je prends quoi, je prends le casque ou je prends un ordinateur. Et le type si c'est finalement que pour regarder des mails, parce qu'il y en a plein qui achètent des ordis à 4000 balles juste pour regarder leurs mails et pour faire du traitement de texte pour faire des petites bricoles, ben ça le casque peut le faire. Donc est-ce que le type il va se dire en plus de ça je vais avoir un écran à la maison qui fait 15 mètres et en plus quand j'appuie sur un bouton je suis au bord du lac au Canada. Et c'est là où le public touché c'est déjà des utilisateurs Apple qui vont se dire en fonction de leurs besoins est-ce que je prends mon ordinateur Apple ou est-ce que je prends ce casque qui me permet finalement de faire du traitement de texte, qui me permet d'avoir toutes mes applications et qui en plus me permet de regarder des films sur des écrans géants et tout le tralala et bien sûr toutes les features AR qu'il y a autour. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y avait 200 000 exemplaires de Apple Vision Pro qui étaient prévus pour le lancement. La première heure, ils ont été écoulés. Ils ont tous été vendus. Donc le machin était à peine sorti, les ruptures de stock étaient immédiates. C'est Apple, c'est la force. Il y en avait que 200 000. Mais l'objectif d'Apple, c'était 200 000. Donc l'objectif, déjà, ils sont rendus compte que merde, ils n'en ont pas prévu assez, quoi. Donc si maintenant ça fait le buzz et que demain, eh ben, ça montre la voie pour développer ces technologies, elles arriveront sur un PSVR 3 ou sur un autre casque, eh ben, tant mieux, quoi. Même si c'est à 4000 balles et qu'on ne pourra jamais se le payer, eh ben, le fait que les gros riches et les stars se baladent à Los Angeles avec leur Apple Vision, ça va générer de l'envie et cette envie, elle va se répercuter sur des achats de casques moins chers et petit à petit, ces technologies, elles arriveront et toute industrie a besoin de ça pour se développer en fait. Donc c'est pour ça que j'y crache pas dessus, même s'il y a 4000 balles, si on me le donne, je vais être très content, mais est-ce que je vais claquer 4000 balles pour acheter un casque pareil? Non, je pense pas. Il y a une version aussi un petit peu moins coûteuse qui est prévue, Il y a des rumeurs. Mais pour l'instant, Comme le Quest 3. Ouais. Donc après, oui, c'est vrai. C'est pas le même produit, quoi. C'est alors bien souvent on le compare au Quest parce que le Quest c'est un jouet à côté. Là c'est mais la puissance d'Apple, c'est quand même incroyable, quoi. La puissance de là c'est des millions d'applications. C'est une puissance supérieure. C'est bien sûr c'est des pancakes. Professionnellement, quand même. Enfin, je me dis, enfin le Mac. Le MacBook, moi je vois, dans le domaine de la musique, au niveau de l'utilisation et surtout de l'optimisation des logiciels, c'est le top du top. Et le montage vidéo, même Final Cut, voilà, c'est vraiment le top. Et je me dis, avoir justement le Vision Pro et pouvoir développer un petit peu ton bureau. À l'infini, hein, quasiment, tu peux avoir une sphère en face de toi à 180 degrés avec plein de fenêtres d'utilisation, tous tes plugins, tous tes machins, tout autour de toi, physiquement, pour avoir le même rendu avec des écrans. C'est là où je disais l'autre jour que pour moi, ça, c'est un tueur de télé. Ah, c'est un tueur de télé, complètement. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont commencé à dire sur le net, c'est bon, moi, mon écran, je le vends. Écologie aussi. Mon écran, je le vends. Oui, j'ai vu des messages comme ça. J'ai plus besoin d'écran maintenant, j'ai mon Vision Pro. Oui, parce que tu peux émuler ou le connecter directement sur ton MacBook. C'est ça. Franchement, pouvoir prendre mon... Et te servir du clavier du MacBook, oui, du coup, qui est vraisemblablement ce que j'ai lu. Mieux que le clavier virtuel, te servir du clavier du MacBook pour taper réellement et avoir un meilleur en AR, mine de rien, retour haptique, avoir ton clavier physique, le fait de rien toucher, c'est incomparable par rapport à un clavier virtuel, c'est sûr. Et moi, franchement, ce que j'aurais bien aimé approfondir un petit peu justement sur le Quest 3, c'est pouvoir plutôt que d'avoir juste un petit écran pour faire du montage ou pour faire de la musique, pouvoir développer justement plusieurs écrans et plusieurs fenêtres un petit peu à droite à gauche, ce que semble vraiment mettre en avant le Vision Pro. Pour ça, dans le domaine professionnel, musical ou de montage, ça va remplacer plein de trucs. Si le truc, justement, tu peux le casque, tu peux le garder sur le crâne pendant des heures et qu'il est suffisamment confortable. Et en plus, c'est que sa première itération. Hein. On sait qu'Apple, dans un an et demi, ils vont sortir une version 2, etc., etc. Ils vont monter la puce. Ça augure du très très bon. La stabilité du système, etc. Ça va être suivi. Et la puissance de feu d'Apple, comme tu disais tout à l'heure, avec toutes les applications disponibles déjà. Ça augure du très très bon ou pas, parce que ça reste de l'autonome. Moi, c'est ce que je dis. C'est que moi, j'ai toujours dit que le jour où ils sortent un autonome de 15 teraflops, m'en fous, moi, que ce soit mais un autonome. Tu vois aujourd'hui ce que ça coûte un autonome de la puissance d'une PS4. Mais l'autonomie de la batterie qui change, parce que je pense que le Vision Pro, tu peux quand même le brancher sur secteur pendant l'utilisation aussi, tu vois. Ah oui, tout à fait. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs particulièrement ridicule, parce qu'en fait, tu as le câble de ta batterie, et du coup, tu branches un câble à ta batterie, donc tu as le câble du câble qui part dans le câble. Ça fait un peu comme... un câble. Ça fait un peu comme le petit boîtier intermédiaire que tu avais sur le premier PSVR, si tu veux. Ça me fait un peu le même... Mais ça va être amélioré, ça. Je suis quasiment sûr, vous trouvez que la batterie externe, enfin la batterie à mettre dans la poche, ça bien, par c'est contre. Une bonne chose. Moi, je suis quasiment sûr qu'ils vont trouver un système comme le Pico 4, qui pour moi était vraiment une référence en termes d'autonome, foutre avec la batterie derrière, au niveau de l'équilibrage sur ta tête, c'est parfait, quoi. Ouais, mais alors, et non, justement. De toute façon, vois, eux, ils vont là, voir le. Là où le... il est pensé. Là où il est pensé, justement, et c'est ce que je disais, qu'il y en a beaucoup qui se disent que c'est fait pour regarder des films, et il y en a même un qui t'a dit que c'était fait pour, enfin, qui a dit que c'était fait, pardon, pour rester dans le plumard, c'est que cette partie arrière du crâne, qui justement, sur les casques qu'on connaît, plus elle est épaisse, moins elle est confortable quand t'es couché, ou assis, tu sais, ou que t'as ta tête qui bute contre le canapé, tu n'as pas cette sensation avec le Vision Pro. Et je pense que ça, ils vont vouloir le je garder. Je sais pas, parce que tu vois, sur... En termes d'ergonomie, bah... Moi, je fais confiance à Apple en termes d'ergonomie pour trouver une solution qui sera vraiment tip-top. Sur le l'arceau que j'ai sur le Quest 3, qui n'est pas l'arceau officiel, mais un petit peu amélioré en termes de confort, je trouve que la petite molette derrière n'est pas ultra top. La batterie derrière du Pico 4, je le trouve, même en posant ma tête comme ça sur un support, je le trouve vraiment plus agréable. Oui, mais combien de temps ? Parce que c'est ça la question, c'est-à-dire que le fait de le poser, ça fait pas mal, mais le fait de rester dans cette position à long terme, je pense que c'est là où la sangle telle qu'elle est mise sur Apple, et en plus c'est une sangle qui est moumoutée, ouais. Donc qui est relativement... Large, qui te prend vraiment l'arrière du crâne. Exactement, ouais. donc qui te fait pas mal à un endroit bien précis en fait, mais qui va répartir, on va dire, la charge de compression de ta tête quand tu vas être allongé ou quoi, différemment. Et je pense que là ils ont quand même quelque chose... qui te permet de garder ton casque plus longtemps. Parce qu'on a beau dire effectivement qu'il est lourd quand tu le poses sur l'avant, mais finalement, tu as quand même la possibilité d'avoir une position que tu n'as pas aujourd'hui naturellement, avec quel que soit le casque de la concurrence, aujourd'hui tu n'as pas ça. C'est vrai, mais je pense... Bon, très bien, messieurs. Après, écoutez, moi, ce qui me marque, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de débourser pour acheter un MacBook... un MacBook, il y en a certains qui coûtent pas mal, quoi, c'est 1500 voire 2000 balles, ça dépend. Et avec des puces M2 intégrées, et là tu as un casque qui a la même patate qu'un ordi portable qui date de 2022-2023. Quoi. Donc derrière, je pense que là c'est le lancement. Derrière, s'ils envoient de l'appli et si, qui montrent vraiment ce qu'on peut faire avec, les applis, elles sont déjà peut-être une amélioration du système. Des natives. Oui, mais des applications dédiées, quoi. Les natives vont augmenter. Et puis Apple, à mon avis, ils vont pas s'arrêter là, parce qu'il va y avoir l'OS qui va être complètement virtuel, qu'il va y avoir des trucs de malade, il va y avoir des applications de malade. On en voit déjà, hein, des mecs qui apprennent à jouer du piano avec leur MacBook, avec leur Vision Pro. Donc, à mon avis, et puis disons que quand ils font un truc, ils le font pas à moitié. Ouais. Ils vont pas le cacher sous le tapis. Ils font 45 minutes sur une keynote à parler de leur casque. Ils y croient, donc ils vont y aller, quoi. Maintenant, moi je les laisse faire, j'attends et puis on verra. Mais je suis confiant, quoi. Je pense que ça va partir, quoi. L'avenir est radieux pour Apple, pour le coup, visiblement. Sortie réussie en tout cas du hardware et écoute, c'est tout le mal qu'on pouvait leur souhaiter en tout cas avec ce Vision Pro. Donc on suivra ça, pardon, de près. C'est la fin. Merci, messieurs. Non, c'est pas la fin. Si, si. Non, c'est pas si, la si. Fin. Ah bon, pardon. S'il te plaît, parce qu'il est déjà 1h du mat là, c'est bon. Vas-y. Ça devient compliqué là. Ouais. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui nous suivent. Pensez à liker, partager, blablabla. Merci messieurs en tout cas d'avoir participé à cette émission pour Sei, hein, puisque c'est son émission, je vous le rappelle, je ne suis là que par intérim. J'espère que ça ne vous a pas trop changé dans vos habitudes. J'espère que ce podcast de longue durée, de plus de 3 heures, vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine et toujours autour d'un verre. Salut. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Salut, salut. Ok, c'est bon. Salut tout le monde, c'est... Merde. Attends, c'est bon. Parfait. C'est parfait. Il n'a même pas besoin de moi, en fait, pour saboter le bordel. Donc, on la garde. J'ai plus l'habitude. Perso, il est super bien fait, putain. Elle reconnaît pas là. Tu peux bouger un petit peu, s'il te plaît. Essaye de sauter sur place. Incroyable, il y a de la physique. C'est vrai, ça saute. Ah ouais. Il y a pas de reprojection, c'est officiel. Putain, merde, attends. C'est incroyable. Moi, je sais pas à quoi je ressens, mais attends, je vais te prendre une petite photo. Attends, je vais faire sauvegarder le jeu récent déjà, je vais prendre ça.